C'est bon. Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Debuchard, je suis délégué général de l'ARP, la Société Civile des Auteurs, Réalisateurs, Producteurs, qui a le plaisir pour la seconde année consécutive d'organiser cette belle journée de la création. Pour beaucoup d'entre vous, vous savez qu'on a les rencontres cinématographiques qu'on organise chaque année depuis maintenant 13 ans à Dijon, qui sont vraiment des débats sur la régulation du cinéma, sur le financement du cinéma indépendant en particulier. Et on avait à cœur en fait d'avoir un pendant plus créatif à ces rencontres finalement très politiques. Et donc depuis 2 ans, on est très très fiers d'organiser ces rencontres sur l'évolution du cinéma, le cinéma au contact des séries, le cinéma au contact du numérique, la place de l'image dans le cinéma. Et on va se poser toutes ces questions au fil de cette journée. Je voulais remercier l'ensemble de nos partenaires. Harry, évidemment, je vais passer la parole à Natacha tout à l'heure, qui est notre partenaire en particulier sur cette première table ronde. Remercier l'ensemble des intervenants, évidemment, en particulier ceux de cette première table ronde. Les personnes qui ont accepté d'animer les débats, les journalistes, je pense en particulier à Perrine qui va animer ce premier débat. Remercier l'ensemble des équipes de l'ARP qui ont vraiment travaillé d'arrache-pied pour organiser cet événement. Et comme c'est la deuxième édition, on continue à essuyer les plâtres, donc je voudrais vraiment les remercier tous, et en particulier Lucie Gire, qui a vraiment coordonné l'ensemble de l'organisation de cet événement, avec Caroline Santillard et l'aide précieuse de Pierre Charpieuse pour tout l'aspect communication, essayer d'adresser un public différent. Et je crois que vous êtes à l'image de cette volonté-là. Et je vous souhaite sur ce une excellente journée de débat, et je passe la parole à Natacha. Merci à tous. Bonjour, je suis Natacha Kosicki, donc en charge d'Harry France, et je suis ravie d'être partenaire de ces rencontres avec l'ARP, et on était ravis de participer à l'élaboration de ce premier débat. Donc l'image dans le cinéma, c'est un peu paradoxal, mais je pense que c'est un thème important et c'est important d'en parler. Donc merci aux participants d'être venus. On a amené une petite interview qu'on a fait à Julien Poupard, qui est le directeur photo du film Les Misérables. Voilà, il raconte un peu ce qu'il fait. Il y a des gens qui savent pas bien ce que fait un directeur photo. Et voilà, ces interviews que nous faisons de temps en temps, je pense, aident un peu à expliquer le métier de directeur photo et peut-être un peu la place de l'image dans le cinéma. Voilà. Merci. Je m'appelle Julien Poupard et je suis le chef opérateur de Les Misérables de Ladji, qui est sélectionné à Cannes en compétition officielle. En discutant, Ladji m'a assez rapidement parlé qu'il voulait que on soit une équipe très légère et surtout très mobile. Et du coup, penser un peu tout le matériel aussi en fonction de ça, pour lui, c'était quelque chose de très important et vraiment même de la mise en scène, quoi. On voulait que ce soit à la fois documentaire, parce qu'on voulait raconter cet endroit, cette cité, et la filmer telle qu'elle, parce qu'elle est magnifique, parce que les gens qui sont là sont très chaleureux, qu'il y a une vie incroyable là-bas. Et puis après, c'est pour ça que je dis que c'est un mélange des deux, c'est qu'il y a aussi vraiment l'idée de raconter une fiction, une histoire, et de la raconter aussi avec les moyens qu'offre le cinéma, donc avec... donc avec parfois des moments qui étaient assez découpés, d'autres pas du tout. Et c'était ça un peu le défi aussi à l'image, c'était d'arriver à filmer cette misère, mais aussi à la sublimer, de prendre un kidam et que ça devienne un héros, quoi, que ce soit nos héros à nous, quoi. Donc on a beaucoup parlé du dispositif, c'est quelque chose qui était vraiment important pour ce film. Donc assez vite, il y avait l'idée en tout cas d'être beaucoup à l'épaule sur le film, mais pas que. On s'était dit qu'on voulait pas non plus que ce soit un film qui soit tout le temps à l'épaule. Alors il y avait des séquences qui s'y prêtaient assez bien, et puis d'autres où on voulait utiliser un peu tous les outils, quoi. Donc on a eu pas mal de stades aussi, parfois aussi des plans fixes. Assez vite on a choisi l'Alexa parce que pour moi c'était la caméra qui à l'épaule est la plus agréable et la plus facile à manipuler, parce que c'est sûr que c'est un film où on allait être en mouvement, bouger. Et moi, je voulais que cette caméra... Bon, le film s'appelle Les Misérables. Je voulais que cette caméra soit comme un point de vue d'un être humain, qu'elle soit là avec les acteurs, avec les jeunes, mais qu'elle soit au milieu de tous ces personnages, en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'on... Assez vite, on s'est dit qu'on voulait utiliser des zooms. Et des zooms qui soient vraiment à l'image, pour avoir ce truc du regard, en fait, se dire que voilà, de se focaliser à un moment donné sur un personnage, parfois pouvoir en filmer plusieurs, et que tout ça soit très aussi vivant, en fait, et que la caméra choisissent, en fait, même dans la scène, de regarder plutôt ce personnage ou l'autre. Parce que voilà, l'idée, moi, c'est que je voulais vraiment faire corps avec la caméra. Donc, c'est sûr que l'Alexa Mini, pour ça, est vraiment super. Et pour les zooms, on a utilisé les Master Grip, qui ça a été vraiment aussi. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai adoré utiliser, parce que du coup, je voulais vraiment que ce soit des zooms sentis, en fait, des choses que je puisse, moi, utiliser n'importe quand et de manière. Et ce qui est vraiment très agréable avec ces zooms, c'est qu'ils sont très faciles à manipuler, et dans les réglages, il y a vraiment quelque chose de très facile pour pouvoir avoir des zooms qui soient en même temps parfois très lents, en même temps très rapides, et c'est vraiment bien pensé en termes de réglages, sur les types d'accélération, de tout ça. Et ça changeait beaucoup ma manière de filmer, parce que j'ai fait quelques films à l'épaule et souvent avec des séries fixes. Et du coup, là, la place de la caméra avec l'acteur est quelque chose d'assez important. Et là, du coup, c'est plus, on travaille plus l'idée d'un champ, quoi, plus que d'un cadre. Et c'était assez intéressant dans ce dispositif-là. Les petits ne nous lâchent pas depuis tout à l'heure. C'est pas de votre faute. Comme d'hab, quoi. S'ils avaient raison d'exprimer leur colère, seul moyen de se faire entendre aujourd'hui. Tu vas trop loin, là! T'auras jamais l'esprit bac, toi. Parce que je joue pas au cow-boy. Ce que t'as pas compris, c'est que justement, on joue pas, nous. Bon, bonjour à tous. Donc, pour cette première table ronde de la journée, sur quelle place pour l'image, je me suis dit, je voulais commencer avec une petite phrase très bête, comme le cinéma, c'est du son, mais c'est d'abord des images. Mais je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Donc, le mieux, c'est plutôt de présenter les gens qui sont autour de cette table avec moi. Donc, en face de moi, j'ai Romain Gavras, donc réalisateur notamment de Notre jour viendra et Le monde est à toi. À côté, nous avons donc Audrey Diwan, journaliste, réalisatrice et scénariste, donc réalisatrice du récent Mais vous êtes fou, et co-scénariste notamment de Aux yeux de tous, de La French de Cédric Jiménez, mais aussi de Ami de Vincent Saint-Macary. Nous avons Pierre Cottreau, directeur de la photographie, qui a collaboré notamment à des films comme Les yeux bandés de Thomas Lilti, Adieu Berthe de Bruno Podalides, ou encore Au témoin d'un doute de Karine Tardieu, et plus récemment Le chant du loup d'Antonin Baudry. Et à côté de moi, donc Toufi Kayadi, producteur notamment du récent Les Misérables, dont vous venez de voir cette vidéo. Donc la première question que j'ai à vous poser, à vous quatre, c'est un peu un hommage au bac de philo qui a eu lieu hier. C'est quoi une image de cinéma? Comment on définit une image de cinéma? Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Oui, c'est une question au départ qui peut dire oui, non, et après... Est-ce que c'est lié aux outils? Est-ce non, que c'est lié à... c'est lié à une chose qui est assez simple, c'est qu'au cinéma, l'image n'est pas un support. Elle est le cinéma. Et c'est la vraie différence entre l'audiovisuel et le cinéma. C'est que le cinéma, ce n'est pas de l'audiovisuel. C'est-à-dire que quand on regarde un film comme spectateur, il y a en fait le récit. On vit le récit de deux manières. On vit le récit par la dramaturgie et on vit le récit par le récit sensoriel qu'on a. Et le récit sensoriel, ça veut dire qu'il y a des éléments qui s'adressent à nos sens, comme en musique, par exemple. Ça, c'est un truc qu'on comprend assez bien. Et... moi, je fais partie de la génération, je suis un arrière-petit-fils de la, ou un petit-fils de la nouvelle vague, et je pense que l'auteur sur un film, le primat, c'est le réalisateur. Et le réalisateur, il a quoi comme outil pour parler au spectateur? Il a essentiellement l'image et le son. C'est pas, pas comme le dramaturge. Donc, en ce sens, pour moi, une image de cinéma, c'est quelque chose qui met l'image au centre, mais pas comme pas l'image en termes esthétiques, mais l'image comme outil de dialogue avec le spectateur. Voilà. Mais il y a peut-être aussi quelque chose de l'ordre de l'intentionnalité. Enfin, il me semble que une image publicitaire, elle est destinée à faire passer un message dans le but de vendre. Donc elle n'est déjà pas placée du tout au même endroit. Enfin, si tu parles de dialogue avec la personne qui regarde, ça existe en publicité comme ça existe au cinéma. Mais je pense que ça ne se situe pas au même endroit parce qu'il est question d'échanger d'autres choses. Dans un cas, il est question de vous faire venir à l'objet. Dans l'autre cas, il est question de partager cet objet pour vous faire penser ou réfléchir à autre chose. Donc je pense qu'il est déjà question de la nature même et de la volonté même intrinsèque à cette image de partager quelque chose ou de vous faire venir à un acte d'achat. Donc, moi, je pense qu'on peut se tromper aujourd'hui, puisque c'est le jeu le plus courant d'aller chercher des réalisateurs de cinéma pour leur faire faire de la publicité, de sorte que les images se ressemblent. Après, l'endroit où on ne se trompe pas, c'est qu'on voit bien, et là la narration entre en jeu, que l'un des deux est destiné de manière assez restreinte, en plus que ça coûte cher, comme une seconde de publicité, et est voué à délivrer un message dans le but de... Et Dieu sait que ce jeu est parfois avec talent. Enfin, moi, je parlais il y a peu de temps avec Katia Levkovitch, qui est la femme de mon producteur, qui est également réalisatrice et qui a fait des publicités qui ressemblent ou qui ont la volonté de ressembler à des courts-métrages. Elles ont la particularité d'être belles, d'être émouvantes, etc. Après, l'intention est si différente qu'il peut y avoir peut-être une seconde de trouble, mais qu'en fait, tout le monde sent bien que, par nature et parce qu'elles racontent, ces images n'ont pas du tout la même destination, quoi. Une image de cinéma, enfin, il y a l'intention, potentiellement, mais ça pourrait être aussi... Est-ce qu'on peut se poser la question, parce que de plus en plus de séries, par exemple, ou des films qui sont directement diffusés sur des médias qui ne sont pas le grand écran, est-ce que pour autant c'est aussi des images de cinéma ? Alors, moi j'ai moins préparé que vous. Non, parce non, mais que c'est le bac de philo, personne ne prépare. Ouais. Personne prépare. D'accord. Non, moi je vais être un peu terre à terre. Je pense qu'une image de cinéma, c'est à partir du moment où on est dans une salle de cinéma avec un écran de cinéma. Qu'elle soit bonne ou pas, je ne mets pas du tout de jugement moral là-dessus. Des fois c'est nul, des fois c'est bien. Et après. Dans une réclame comme celle-là, comme moi je peux en faire aussi, des fois on essaye d'imiter le cinéma, mais ce n'est pas du cinéma. Sur la vente, je pense qu'il y a aussi du cinéma qui essaye de faire, de vendre des tickets de cinéma comme but premier. Enfin, je veux dire, il y en a même beaucoup. Et donc je ne sais même pas si ça... Moi, je prendrais vraiment le truc de façon hyper terre-à-terre, de dire... Voilà, même des très bons films Netflix ou des œuvres d'art... des trucs de Parreno ou des trucs de Pierre Huy qui peuvent être géniaux, c'est dans la définition même, c'est pas du cinéma parce qu'on n'est pas dans une salle de cinéma avec un public de cinéma devant un écran de cinéma. Voilà, donc c'est un peu terre à terre, mais je c'est ce que je pense. Donc ça se définit par le lieu. Ouais. C'est marrant parce qu'en arrivant, on en discutait. Enfin, moi, la dernière fois que j'étais dans cette salle, c'était pour voir Roma. Et du coup, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que. Donc Roma n'était pas une œuvre de cinéma, elle est devenue au moment où elle était projetée ici, où le film était projeté ici. Ta sensation, c'est que ça devient une œuvre de cinéma au moment où c'est projeté ici. Mais que ça n'est pas forcément avant. Oui, oui. Ma réponse sera oui. Je pense que dans le cas de Roma, c'est différent. Je pense que c'est quelqu'un qui voulait faire un film très cher et aucun studio allait financer un film en noir et blanc qui parle en espagnol et qui coûte aussi cher. Donc Netflix est rentré dans le jeu. Donc je pense que le cas est différent. À partir du, je crois qu'il a fait une tournée de en salle et tout ça. Donc à partir de ce moment-là, ça devient du cinéma. Mais après la question est un peu piège aussi parce que c'est qu'est-ce que l'art, qu'est-ce que exactement. Voilà. On peut dire tout et n'importe quoi. Mais Toufik, t'as quelque chose à rajouter sur... Non, parce qu'on se posait. Non. Allez-y. Après, moi, je pense qu'en fait, une image de cinéma, c'est aussi... chacun va y faire sa définition, en fait. Oui, c'est un peu le but du jeu. Et donc, voilà, il y a Pierre, chef opérateur. Et là. Non, moi, en tant que producteur, j'aurais dit que une image de cinéma, c'est une image qui a gagné en liberté. C'est une image libre, en fait. C'est une image qui a réussi à se faire et à se mettre en place avec des contraintes différentes, avec beaucoup plus de liberté pour le réal, pour le chef op. Ça peut pas être lié aux outils, par exemple. Enfin, pardon, Pierre. Je veux juste rajouter. C'est juste une petite chose que je suis assez d'accord avec ça. Moi, je pense vraiment clairement hein, que c'est des débats qui sont chiants, mais que c'est une histoire de langage en fait. C'est-à-dire que le cinéma, le langage passe par l'image. Et là, c'est pour ça que moi, je vais parler d'image, mais avant tout, je vais parler, même si c'est pas mon domaine, je vais parler de mise en scène. Parce qu'en fait, la vraie difficulté de l'image au cinéma, quand je vous parle, là, vous me comprenez, parce qu'il y a un truc qui fait que vous comprenez la succession des mots tels que je l'ai dit, qui s'appelle la syntaxe. Si je dis « petit chat est mort », ça ne veut pas dire la même chose que « le petit du chat est mort ». Pourtant, c'est presque la même chose. Et la difficulté... Ouais. C'est joyeux. Et au cinéma, quand on fait un montage ou quand on fait des images, la suite d'images, il n'y a pas de syntaxe. pour structurer la phrase. Et en fait, ce qui va structurer la phrase, c'est la mise en scène, sauf que la mise en scène, elle va être différente à chaque fois, à chaque film. Et en fait, le primat de l'image, c'est d'arriver à ce que l'image, au-delà d'être un flux sensoriel, fasse sens, fasse dramaturgie. Et pour qu'elle fasse dramaturgie, il faut de la mise en scène. Et en fait, pourquoi cette publicité ? Dedans, on a une sensation, au-delà de l'aspect de ce à quoi ça sert, il y a une sensation de cinéma, c'est qu'en fait, il y a une syntaxe. Les plans, les uns après les autres, créent du sens. On peut couper le son. D'ailleurs, il n'y a pas de son. Il n'y a que du son, il n'y a pas de dialogue. C'est-à-dire que le sens de ce qu'on voit n'est pas lié à l'oralité. C'est pour ça que très souvent, on va parler après de la place des images dans tous les films, mais très souvent, on abandonne l'idée de faire des images parce qu'en fait, on donne à l'oralité, c'est l'oralité qui doit prendre en charge le sens et le récit. Et à ce moment-là, effectivement, ce n'est plus possible de faire de l'image. Alors que potentiellement, si la mise en scène prend en charge l'image, prend en charge la syntaxe, le récit, la dramaturgie par l'image, alors là, le champ des possibles en image et le champ de liberté, la question de qu'est-ce que cela veut dire, alors il devient immense. Et c'est la vraie difficulté, le vrai truc, c'est ça, c'est de se dire l'image ne doit pas être un support, elle doit être au centre de l'image. Et moi, je pense personnellement qu'on va au cinéma pour ça. On va au cinéma, c'est pour ça qu'on est capable de regarder des films coréens. C'est qu'à un moment, le sens, il passe pas par l'oralité, le sens, il passe par ce qu'on voit. Et par le fait que le récit, on est capable de le suivre, alors qu'en fait, on ne comprend rien. Et que c'est à part la musique, il n'y a que le cinéma pour ça. Voilà. Non, je pense que je vous aurais donné 16 sur 20. C'est pas mal. On va enchaîner sur une deuxième partie. Avant, on va regarder un petit extrait qui va faire un peu la transition entre ces deux parties. Il n'a pas pu faire de nous des hommes. Qui ça ? Ou pas su, ou pas voulu. Alors, il a fait de nous des humiliés. Qui ça ? Dieu. Commençons par commencement. Les Indiens Apaches, la tribu des Chikawa, ils appellent le monde la forêt. Aujourd'hui, tout le monde a peur. Petite fille, je voyais partout des chiens. Cette matinée est un rêve. Chacun doit penser que le rêveur, c'est l'autre. Donc vous l'aurez compris, c'était Adieu au langage de Jean-Luc Godard. Ça fait un peu la transition parce que Godard, là, techniquement, depuis quelques films, il a largement abandonné la narration pour mettre l'image au centre. Donc, moi, ce qui m'intéresse, justement, c'est un peu dans ce que vous disiez, l'image libre, ce que vous disiez, Toufik, l'image au centre, l'image où on crée sa propre narration avec l'image aussi, puisque finalement, ce qui est dit n'est pas si important. Mais ce qui m'intéresse, c'est vous, chacun, votre rapport à l'image par rapport à ce que vous faites. Je vais peut-être commencer d'ailleurs par Audrey. Comme vous êtes réalisatrice et scénariste aussi, vous avez écrit plusieurs films, co-écrit plusieurs films. Quand vous écrivez, à quel moment l'image arrive dans votre travail de scénariste ? Je crois que ça arrive assez tôt. Là, en ce moment, par exemple, j'écris avec un garçon qui s'appelle Teddy Lucie Modeste, qui a fait Jimmy Rivière, puis le prix du succès. Et je crois que plus le temps passe, plus les deux sont liés et me semble dialoguer ensemble depuis le départ, c'est-à-dire quel est le sujet, qu'est-ce qu'on a envie de dire, et à travers chaque séquence posée, comment on a envie de le dire. Et c'est marrant parce que j'ai cette sensation... Alors moi, je vais dans un endroit que peut-être vous connaissez, parce que c'est à côté, je vais au Vidéoclub de la Butte, qui est peut-être un des derniers endroits où on peut louer des DVD, et du coup avoir ce problème des années 90, qui est de ne pas rendre son DVD à temps. Et on parlait de ce que c'est qu'un point d'inédit. Et en fait, je crois que je pense assez souvent à ça. C'est-à-dire que dans la multitude des films proposés, certains se distinguent des autres parce que il y a une séquence, il y a un endroit. Je vais vous donner un exemple précis. L'autre jour, j'ai revu Habemus Papam de Nanni Moretti. Et donc, c'est l'histoire de Michel Piccoli qui est désigné pour être prêtre et pape et n'a pas envie de le devenir. Et donc, tous les cardinaux sont enfermés tant que le pape ne s'est pas déclaré pape. Et comme il s'ennuie, Nanni Moretti, qui est psy, est enfermé avec eux, décide de leur faire faire une compétition de volley-ball. Et c'est drôle parce que donc il amène au cœur de l'Église la notion de compétition, et en même temps il impose des images tellement inédites qu'on ressent avec eux la joie pour la première fois de ne pas être juste, mais d'être dans la compétition. Et moi j'ai l'impression que une image de cinéma est quelque chose qui se crée et qui reste, parce que je veux dire il y a une production, une telle production d'images aujourd'hui, c'est tellement vaste que soudain et rarement se crée une rencontre entre quelque chose de profond qu'on avait à dire et une mise en image qui, à mon sens, hein, c'est très personnel, est inédite, que je n'avais jamais vue avant, et à tel point que je sais que cette image est gravée et qu'elle va rester. Donc je pense que ça fait partie un peu des interrogations, de l'horizon d'attente quand on se met à écrire, c'est de se dire pourquoi fondamentalement, enfin moi quand je me mets au service d'un réalisateur et que j'écris pour d'autres ce que j'aime beaucoup faire, c'est d'essayer d'aller trouver cet endroit qui rend essentiel le film et la raison pour laquelle le réalisateur ou la réalisatrice décide de le faire. Et Romain, par exemple, quand vous réalisez, quelle place vous donnez à l'image par rapport à la narration ? À quel niveau vous la placez, cette image, en fait ? Après, ça, c'est très personnel, mais moi, elle est assez centrale. Comme je fais pas que du cinéma, je fais aussi... des clips où c'est l'image carrément qui va prendre le dessus sur la narration, parce que les clips trop narratifs, d'avoir de la narration sur 3 minutes, ça devient trop littéral. Du coup, ça part plus d'une image, c'est-à-dire à un moment donné, je vais me dire, je veux 300 Chinois blonds, et ça part de là, sans me poser la question. Le sens vient après, en fin de compte. Sur un film, c'est plus compliqué, mais il y a des gens qui partent de personnages, d'histoires. Moi, je pars plus d'un univers où je sais que les images vont m'interpeller, où l'univers dans lequel je vais tourner va être intéressant. Et après, l'histoire se construit et tout ça. Mais je pense que vraiment, ça dépend de chacun. Mais moi, après, des fois, j'aime bien même me perdre dans l'image et de pas forcément, en fait, c'est-à-dire que des fois, quand l'image a trop un sens volontaire, ça m'irrite, en fait. C'est-à-dire que si je vais au cinéma et je vois une image et je sais exactement ce que le réalisateur veut dire par ça, ça peut m'insupporter, parce que d'un coup, j'ai l'impression d'être dans un cours ou dans quelque chose de beaucoup trop didactique. Du coup, c'est une fine ligne, parce que les images complètement dénuées de sens, ça n'a aucun intérêt. Et en même temps, si on essaye de mettre trop de sens dedans, on devient trop visible. Je me perds un peu là, mais je pense que en tout cas pour moi, l'image est vraiment vraiment centrale. Mais pour en revenir au cinéma, aujourd'hui, il y a forcément des images de cinéma qui m'interpellent et tout ça, mais il peut y avoir une vidéo YouTube d'Ukrainiens qui se battent avec des ours dans la neige qui va être mal filmé, qui va m'interpeller autant qu'une image de cinéma. Donc je ne sais même plus où se situe l'intérêt dans l'image est beaucoup plus vaste aujourd'hui que juste au cinéma. Et on avait cette discussion intéressante tout à l'heure sur... Il y a une génération où leur référent d'image, c'était le cinéma. Moi, ma génération, c'était aussi bien le cinéma que MTV, que une pub Kodak, que un clip de Britney Spears. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, et on va voir comment ça va être digéré par les cinéastes du futur, c'est que le flux d'images qui est consommé par les jeunes, pour être un peu large, et vient d'Internet, vient de trucs comme les Instagram, et qui est quelque chose qui vient d'ailleurs, qui est articulé autour de la vanité, principalement. Donc je suis vraiment très intéressé de voir comment ça va évoluer. Et justement, à quel point votre travail sur la pub ou le clip vient influencer votre travail de réalisateur de cinéma, en fait ? Parce que je pense à Le Monde des Tatouages, par exemple, où on a, par exemple, des plans qui font vraiment penser à un clip de... On a deux gamins sur une voiture, sur un capot de voiture. On pense vraiment à quelque chose d'assez clipesque, en fait. Non, mais l'idée, c'est vraiment d'assumer le fait d'être amoureux de ce genre d'image et d'aller dedans, de pas... Je pense que c'est une erreur quand on aime quelque chose. C'est-à-dire, moi, j'aime sincèrement faire des clips et produire ce genre d'image. Si je voulais aller faire un film très complètement différent, c'est comme si demain Daft Punk faisait je me compare pas à Daft Punk, mais si demain Daft Punk faisait un album de jazz abstrait, ce serait complètement chiant et tout le monde s'en foutrait. Donc je pense que c'est quelque chose où d'accepter ce qu'on aime et à un moment donné, voilà, les choses qui brillent m'intéressent, donc je vais plonger dedans. Oui. Je me tourne vers vous, Toufik, par rapport à... Oui, bonjour. Je me tourne vers vous. Par rapport à la... pardon ? Non, par rapport à la production, en fait, votre rôle dans le rapport avec le travail du réalisateur, etc., comment vous travaillez cette image, cette discussion sur l'image avec le réalisateur ? Est-ce que vous avez un point de vue, en fait, vis-à-vis du film ? Je pense par exemple là au Misérable dernier, notamment, c'était déjà dans le court-métrage de Lajli, mais par exemple il y a pas mal de plans en drone dans le film. Est-ce que cette discussion autour de l'image, de la place de l'image dans le film, c'est quelque chose que vous avez comme discussion avec les réalisateurs, ou même au niveau de la production elle-même, en fait ? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous pensez ? Au niveau, je sais pas, des financements peut-être, j'en sais rien. Déjà avec un réalisateur, en fait, on parle de tout. De l'image à ses problèmes et aux choses qu'il vit, bref, on parle de tout. On accompagne vraiment le réalisateur. Le producteur, il parle avec son réalisateur de ça. Bon, dans Les Misérables, en fait, le drone est un personnage qui est écrit dans le scénario, donc c'est déjà différent. C'est-à-dire que c'est plus de... On n'est plus sur, par exemple, si Romain a une idée de faire un plan drone dans son film, là, c'était un personnage, le drone. On a des discussions entre le chef opérateur, la direction de production, le réalisateur. On voit là où le réalisateur, comment il veut construire son image. Les Misérables, c'était un bel exemple parce que on n'avait pas beaucoup d'argent et on a dû en fait avoir des discussions sur avec cette contrainte-là, qu'est-ce qu'on va privilégier. Donc on privilégie le drone, qui est important, qui est un personnage. Ensuite est arrivée l'histoire de la deuxième caméra. Sur un petit budget comme ça, c'est très compliqué d'avoir une deuxième caméra, surtout que là, j'avais cette envie de l'avoir sur tout le tournage. Donc c'est encore plus compliqué. Mais on y est arrivé, c'est bien. Et elle était justifiée, donc c'est une discussion qu'il a avec nous, qu'il a eu avec son chef-op. Et à partir de là, on rentre vraiment dans les problématiques qui sont liées à nous, producteurs, sur comment faire rentrer tout ça, en fait. Donc, deux caméras, deux chef-op, bref, un chef-op, un cadreur, deux équipes, un drone, c'était, ouais. Donc, en fait, l'image aussi, dans le film, elle peut être conditionnée par des contraintes financières, en fait. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de liberté, en fait. C'est que l'image, une image de cinéma aussi, c'est vraiment une image qui a gagné en liberté. Donc, après, c'est des discussions. C'est-à-dire que dans ce film-là, c'était primordial pour Lajli et son chef opérateur. Et on a dû trouver des solutions. Donc chacun a fait à sa manière avec ses équipes et on a réussi à le faire, en gros. Et peut-être sur d'autres films sur lesquels vous avez pu travailler auparavant. Il y a d'autres films sur lesquels la question de l'image, elle se posera. On en discutera pour savoir déjà ce que le réalisateur a en tête, ce qu'il a vu avec son chef opérateur. on a un avis qu'on donne en gros au chef opérateur ou au réalisateur. Et après, c'est la liberté du réal aussi. En gros, c'est là où je parle toujours de liberté. Et on essaiera toujours d'arriver à... Et il y a des films dans lesquels on ne discute jamais de deuxième caméra, on est sur d'autres discussions concernant l'image, concernant quelle caméra, concernant quelle équipe avec le directeur de la photo. En fait, chaque film est différent. Et justement, Pierre, je vais vers vous, parce qu'on parlait justement des directeurs de la photographie. Et vous, qu'est-ce que vous pouvez raconter sur votre travail, justement, par rapport au lien avec les réalisateurs? Vous travaillez avec beaucoup de réalisateurs français. Quel est justement ce rapport à l'image qu'ils peuvent avoir? Donc, j'imagine évidemment ça dépend de chacun et du film, évidemment, et aussi au niveau des contraintes techniques, en fait. Vous, par exemple, avec quoi vous préférez potentiellement travailler? En fait, il y a un truc, je vais paraître un peu prétentieux, je pense, hein, mais, c'est pas grave. Mais moi, il y a un truc, quand je suis autour de la table et que je prépare un film avec des gens, là, si on était tous ensemble et qu'on préparait un film, déjà, le prima pour moi, c'est de dire, autour de la table, on est tous cinéastes. C'est-à-dire, c'est comme si on avait un groupe de musique, et puis moi, je m'occupe de la basse, toi, t'as écrit la chanson. Mais avant tout, on est tous cinéastes, comme si en musique, on est tous musiciens. Je ne sais pas, le bassiste, le chanteur, le machin, le truc. Donc, ce qui nous réunit, si on est cinéaste, a priori, c'est un désir de fabriquer des images. Donc, l'image, moi, je suis en charge de ça, mais je ne suis pas... c'est pas mon image, c'est l'image du film. Et l'image du film va être définie par tous les protagonistes avec un chef d'orchestre qui est le metteur en scène. Donc moi, par contre, moi vraiment, je considère que l'image au cinéma, mon rôle, c'est vraiment d'être bassiste, en fait. C'est-à-dire que je suis là, je dois comprendre et soutenir la ligne mélodique et la ligne rythmique de l'ensemble de l'œuvre. C'est-à-dire que c'est comme... moi, je trouve que l'image au cinéma, c'est comme la basse en musique. On ne l'entend que quand elle n'est pas là. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment, et que c'est là pour faire résonner tout le reste, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, ça structure le film, mais ça structure le film de l'intérieur. Et si elle est bien faite, l'image, si elle est profondément cinématographique, en fait, elle va donner une résonance, comme la basse en musique, une résonance, une réverbération, elle va faire résonner tout le reste. Et le rôle d'un opérateur qui fait de l'image, en France notamment, c'est de faire les deux, c'est-à-dire de faire la lumière et de faire le cadre. Et il y a un truc qu'on oublie quand même souvent, de, quand on parle d'image au cinéma, de souvent d'émettre, parce que c'est que la grande spécificité de l'image de cinéma, c'est que c'est une image en mouvement. Et moi, je pense personnellement que le tour de magie du cinéma, depuis un siècle, c'est le mouvement. Et donc moi, quand je rencontre des réalisateurs et que je travaille avec eux, en fait, je me pose des questions qui ne sont pas tant des questions de... je pose au metteur en scène des questions de mouvement. C'est-à-dire, moi j'aime bien être dans les lieux, comprendre, essayer de comprendre le rythme en fait du metteur en scène. Quel va être le rythme du film? Est-ce que ça va être, c'est une mise en scène qui va beaucoup bouger? Donc on en revient à une histoire de liberté en fait, d'intentionnalité. Mais pour moi l'intentionnalité c'est une intentionnalité quasi musicale, parce que je pense que c'est pour ça que je voulais rebondir. Moi je voulais rebondir sur ce que sur ce que disait Romain, et puis je voulais rebondir sur ça surtout, parce que on a une incompréhension totale sur ce qu'est Godard. On ne peut plus regarder des films de Godard, mais Godard en fait il n'est que justement dans le langage, à essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que le cinéma. Et justement il pose cette question de la syntaxe en fait, qui lui il fait des images et il essaye de voir si des images mises bout à bout les unes à côté des autres, elles créent un sens. Et en fait il essaye de ça, et il essaye l'autre truc qui est le flux émotionnel d'un film. Quand une parole sans syntaxe, c'est quoi au final? Une parole qui interroge la syntaxe, ce n'est rien d'autre que de la poésie. Et en fait, un film, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'un film, c'est les deux choses. C'est une chose qui doit être compréhensible et une chose qui doit être vécue. Et en fait, l'image, parce qu'elle est au cœur du processus, elle permet à un spectateur de vivre le film. Comme la musique permet de... Il n'y a pas de dramaturgie dans la musique et pourtant on la vit. Et donc moi, mon truc, c'est d'essayer de comprendre la sensibilité du metteur en scène, de ce qu'il a écrit, et d'essayer de me dire par quoi ça va passer pour que le spectateur, une fois qu'il est dans le noir, c'est pour ça que c'est une image de cinéma, comment on va faire pour qu'il vive le film, qu'il ait l'impression d'être au cœur du film. Donc c'est pas un truc de capacité technique. À bout de souffle, c'est un film de cinéma plus grand que les films de cinéma de l'époque, parce que il n'a pas peur de dire « Ok, on va faire du cinéma réel au plus proche des gens. » Donc on va faire une image dégueulasse, mais en fait cette image dégueulasse, elle va être bien plus vivante, bien plus pertinente, bien plus intéressante que toutes les images de cinéma qu'on fabrique qui sont mortes. Et c'est ça qui est intéressant au cinéma, en fait, et quand on travaille avec les metteurs en scène, c'est de se dire comment on va faire pour choper le spectateur et qui nous accompagne, en fait. Et ça va peut-être passer par une image dégueulasse, ça va peut-être passer par une image, au contraire, très belle, mais en tout cas, la question fondamentale, c'est... Alors, c'est un mot qui est un peu à la mode, mais c'est l'immersion, en fait. C'est de faire que le spectateur, il vit le spectacle. Et la grande difficulté, c'est qu'un scénario, c'est génial. Mais dans un scénario, les intentionnalités d'image ou de langage par l'image, elles n'existent pas. Non, mais... Je mettrai un bémol, mais bon... Non, mais quand je dis qu'elles n'existent pas, c'est-à-dire que... en même temps, je peux l'affirmer sur une chose. C'est qu'aujourd'hui, moi, les scénarios que je lis pas malheureusement la première version. Je lis la version 22. Dans la première version, je sais qu'il y a un désir de cinéma qui est très flagrant parce que souvent, les scènes... Il y a des intentions qui sont des images. Les metteurs en scène écrivent des images. Et puis après, il y a un truc de structure dramaturgique qui vient structurer, mais très souvent à l'intérieur. Par exemple, il y a assez peu d'intentions de mise en scène dans les scénarios. Vous pouvez répondre. Hein. Non, mais en fait, je pense que ce qui est drôle, moi j'aime beaucoup lire les scénarios. Et en fait, il y a autant de manières de dire un film à l'écrit qu'il y a de metteurs en scène. Donc, il y a ceux qui veulent que ce soit un document technique, au plus proche de la mise en scène. Il y a ceux qui veulent raconter une histoire. Donc, il y a autant d'écritures différentes. Et puis, selon les pays, je veux dire, c'est aux États-Unis, évidemment, et très régulièrement, on demande de mettre des intentions de mise en scène qui soient visibles, de sorte à rassurer toute la chaîne de financement. Mais je trouve que c'est le cas aussi... Par exemple, j'ai lu il n'y a pas longtemps le scénario du film d'Alice Vinocourt qui va sortir, qui s'appelle Proxima. Et dans le scénario, les intentions étaient plus que posées. C'est un cinéma qui est assez poétique. Et si on s'en tenait à l'histoire seule, c'est pas lisible, en fait. Donc je pense que ça dépend des histoires et que, imagine un scénario de Tarkovsky s'il n'y a pas d'intentionnalité, s'il n'y a pas de volonté de mise en scène. L'histoire à elle seule, s'il n'y a pas d'univers, s'il n'y a pas quelque chose qui dise ce que ça va devenir, il y a des films d'histoire, ceux qui s'appuient et se structurent sur une histoire, et puis il y a tous les autres films qui ne peuvent se lire et être financés que parce que quelque chose d'autre s'est dit à l'écrit, qui disent déjà un peu ce que ça va être à l'image. Enfin, moi, je vois vraiment des scénarios extrêmement différents, et je comprends ce que tu dis sur un genre de cinéma qui s'appuie sur des rebondissements, et puis après, il y en a d'autres que... Enfin, moi, je sais d'avance que les metteurs en scène ne pourraient jamais réussir à monter le film s'il se passait de cette dimension de mise en scène, parce que c'est là-dessus que tient le scénario et pas sur l'histoire, quoi. Mais d'ailleurs, c'est intéressant que vous parlez de dans différents pays, et en effet, on n'aborde pas tous l'image ou la mise en scène de la même manière. Vous travaillez principalement en France, mais quel est votre point de vue par rapport au cinéma français, peut-être comparé à d'autres cinémas, sur le point de vue de l'image, en fait? Est-ce que d'autres cinémas mettent plus en avant l'image que la France, ou l'inverse, en fait? Est-ce que vous avez repéré des tendances ou pas du tout par rapport à vos travaux, ou par rapport à vous en tant que spectateur aussi, hein, de toute façon? Je pense qu'il y a deux choses. En France, il y a un petit truc des fois un peu élitiste de l'image, c'est vulgaire, de trop prêter attention à l'image, c'est vulgaire. De moins en moins, j'ai l'impression, c'est-à-dire qu'il y a plein de réalisateurs de ma génération, plus jeunes ou même un peu plus vieux, qui prêtent attention, qui vont dans le genre. J'ai vu que vous y êtes. C'est sur le genre, après sur le genre, ça, après. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce truc-là, un tout petit peu, parce que dans les films de Piala, vraiment, il n'en avait rien à foutre de l'image. Il y a des faux raccords partout, mais c'est tellement bien que, je veux dire, tout le monde ne peut... C'est-à-dire qu'il faut captiver les gens par quelque part. Et on le voit aussi dans certaines comédies françaises, où l'image est absolument dégueulasse et pourtant ça reste du cinéma que les gens vont voir et tout ça. Donc je sais pas où tout ça m'amène, mais la question était Enfin, sur l'image, est-ce que si, oui, la place ouais, de l'image. Oui, mais je pense que. Parce qu'il y a aussi une génération qui est beaucoup plus nourrie d'images de partout. C'est-à-dire que les Américains sont nourris des Français du milieu du siècle. Puis ça a été redigéré, puis en fait c'est une espèce de dialogue constant, et pas que avec les Américains maintenant, les oui, Coréens, les Ukrainiens, les Russes. Et du coup, en tout cas j'ai l'impression qu'il y a une génération maintenant qui prête attention à l'image. Donc par exemple, le film de Lage que Toufik a produit, c'est très réfléchi à l'image, même si c'est-à-dire que... si c'est documentaire, la façon dont c'est fait et tout ça, c'est justement pour être avec les personnages, pour que la caméra soit quasiment, même des fois, en retard sur l'action, pour être à l'intérieur, au plus proche. Donc, c'est-à-dire que même quand c'est pas une mise en scène qui se voit, c'est quand même très très réfléchi. Et je pense que c'est important. Voilà. Non, je ne savais pas comment finir. Voilà. C'est mieux que voilà. C'est mieux que voilà. Mais non, c'est intéressant l'idée du dialogue. Vous venez de parler du dialogue, voilà, les cinéastes américains qui ont pu voir le cinéma français au milieu du siècle. Mais aussi l'idée que les jeunes, du jeune, avec ce grand terme qui veut tout et rien dire, mais les jeunes sont influencés par d'autres types d'images, potentiellement Internet, le jeu vidéo ou Snapchat. Par exemple. Donc les deux extraits l'un après l'autre. Le premier, c'était le film Hardcore Henry, qui est donc entièrement filmé en FPS, donc ce que les joueurs de jeux vidéo connaissent, c'est le first person shooter, donc vraiment un point de vue subjectif tout le long. Et on a l'autre extrait, donc la bande-annonce du jeu Death Stranding, qui va sortir ou est sorti, je suis un petit peu nulle à ce niveau-là, qui pour le coup reprend beaucoup de codes du cinéma, mais dans le cadre du jeu vidéo. Donc l'idée, c'est de questionner la porosité entre les genres et entre les médias surtout. C'est-à-dire à quel moment la télé, le jeu vidéo, Internet, que sais-je encore, vient influencer le cinéma et vice-versa, comment le cinéma, lui, vient influencer la télévision, le jeu vidéo, comme on vient de le voir là, mais aussi potentiellement Internet. En fait, à quel moment tous ces médias parviennent à communiquer les uns avec les autres et finalement créer peut-être une sorte de maelstrom, est-ce qu'on peut tout différencier ou pas, ça doit être la question. Bon, si clairement on différencie le jeu vidéo du cinéma, mais quand même se poser la question. Donc je me retourne vers Pierre notamment, parce que c'est quelque chose qui vous intéresse notamment par rapport à la jeune génération. On en revient aux jeunes, encore une fois avec plein de guillemets. Ouais, moi le vrai truc qui m'intéresse en fait, c'est pour ça que je suis là. Je suis là. Non mais c'est que moi j'ai été formé par le cinéma. Si je fais des images, c'est avant tout pour essayer de faire des images pour le cinéma. C'est-à-dire, j'aime la salle, j'aime le noir, tout ça. Et que le truc qui m'attriste un petit peu, je le vois avec la génération d'en dessous de moi, et c'est un constat qui est fait régulièrement, c'est que les mômes, ils ne vont pas au cinéma voir nos films. Ils vont voir les films américains, ils vont voir les Avengers, les machins, mais nos films, ils ne vont pas les voir. Et ils ne vont pas les voir, je pense, parce qu'il y a un endroit où on ne sait pas leur parler. Alors que c'est une génération qui avait d'images. Et donc ça veut dire que quelque part dans la production d'images qu'on fait, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à transmettre, qu'on n'arrive pas à faire passer chez eux, et je pense que voilà, c'est une vraie complexité. Alors après, par rapport à ça, moi je pense qu'il y a un truc que vous auriez dû rajouter, parce que je pense que c'est la chose, en fait c'est le vrai danger, il est là, c'est que les images d'internet ou de porosité, c'est ça, mais c'est aussi à 90% des images quand vous êtes sur internet. Les gens, ils coupent le son, et après, en sous-texte, ils écrivent tout ce qu'ils écrivent. En fait, c'est juste de la lecture avec des images qui servent vaguement, d'images qui bougent et de vaguement d'illustrations parfois. Mais en fait, c'est tout sauf... Donc en fait, les mômes, aujourd'hui, ils sont totalement déshabitués à ce qu'est le langage du cinéma. Je pense qu'il y a une génération de réalisateurs dont nous, on a profité, qui sont les Spielberg, les Cameron, les Lucas, qui sont la dernière génération qui ont profité du muet, en fait. Du fait que pendant 30 ans, il n'y avait que l'image. Donc on a essayé de comprendre comment on pouvait parler aux spectateurs qu'avec l'image. Puis il y a toute une génération jusqu'à ceux-là qui savent faire tout. Spielberg, c'est un génie. Vous coupez le son, vous comprenez tout. Parce qu'il fait du récit par l'image. Alors aujourd'hui, quand on voit effectivement les nouveaux formats, Et ce qu'est le cinéma, parce que moi, ce qui me fait marrer là, ce qu'on voit là, c'est rien d'autre que, effectivement, c'est ce qu'on donne à manger aux mômes aujourd'hui. C'est la même chose que les Avengers. Et en fait, ça repose sur deux choses, les Avengers ou les Marvel, les machins, qui sont des trucs fondamentaux du cinéma, qui sont simples, qui sont le tour de magie de base. Ça repose sur le mouvement, c'est-à-dire la spectacularité du mouvement, une image caméra et on bouge et dans tous les sens. Et ça, effectivement, c'est un spectacle qu'on adore et qu'on aime vraiment. Et toutes les avancées techniques, elles sont autour de ça. Au cinéma, on cherche toujours à se dire comment on fait pour reproduire le mouvement. On invente des caméras plus petites, plus légères, des grues, des machins. Ça repose sur ça. Et le deuxième truc, la fin de l'extrait, parce que le cinéma, c'est aussi et principalement ça. C'est une famille, c'est une machine à filmer des regards. Et en fait, on est ce que sont les Avengers ou les Marvel, ce qui cartonne. On est sur les deux fondamentaux, le spectacle du mouvement et le spectacle d'un visage en gros plan, en gros, qui permet de faire l'effet Kouletchov, qui est la seule syntaxe qui existe vraiment au cinéma, c'est l'effet Kouletchov et le montage parallèle. Et en fait, il y a une porosité entre les médias, mais il n'y a pas d'invention, en fait. Et quand je dis il n'y a pas d'invention, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'invention au sens où c'est pas au service justement d'un... C'est juste au service du spectacle. C'est pas forcément... Alors après, ça va s'inventer. Forcément, les mots vont se l'accaparer et créer autre chose. Mais après, il y a le truc... Voilà, moi, je ne connais pas trop le jeu vidéo et tout, mais il y a un truc, effectivement, qui est sur tous les potes qui jouent, me disent, ce qui est génial, c'est qu'en fait, y a l'effet immersif, il est incroyable. C'est-à-dire que vous êtes détenteur de l'action. Voilà. Mais il n'y a pas d'invention de Toufik. Ben en fait, si, moi je dis, je pense qu'il y a de l'invention, c'est de la créativité pure. C'est-à-dire, si on reprend le premier extrait, la question que je me pose, et c'est ici qu'on répond là, c'est quelle est la place de l'image ? Si ce film-là, il est fait soit caméra à l'épaule ou une caméra sur plan fixe, quand ils sont sur ce toit, avec l'envie de tirer partout, la question que je me pose, et je pense même vous, c'est chacun va préférer une manière de filmer et l'image qu'il veut, en fait. Il y en a qui voudront juste ne pas voir celui qui tire et voir les autres et cet effet immersif. Il y en a qui voudront peut-être avoir plus de recul. J'ai l'impression que ben voilà, c'est une image de cinéma aussi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une proposition. En fait. C'est-à-dire que peut-être que le film ne va fonctionner que par cette manière de faire cette image. Peut-être qu'il ne fonctionnera pas du tout. C'est le but du film, il n'est filmé que de ce point de vue-là. Ouais, et je le trouve très intéressant. C'est-à-dire, après, il peut très bien fonctionner. Et s'il fonctionne bien, peut-être qu'en fait, il aurait fonctionné différemment si l'image était différente. Et est-ce que vous pensez que c'est justement ce fait d'avoir cette somme d'images en permanence, puisqu'on a des images partout, tout le temps, sur une multitude de supports, le portable, l'ordinateur, la télé, enfin je ne vous passe les détails, je ne vous apprends rien, mais est-ce que vous, ça influence votre travail, est-ce que ça aide la créativité, est-ce que vous avez besoin de ce langage-là aussi, peut-être pour parler à d'autres générations? Alors bah, moi je suis larguée, enfin vous avez compris, je vais au Vidéoclub, donc je suis quand même très très loin d'être dans l'époque, mais je me posais cette question, mes enfants commencent à être grands. Et je me disais, qu'est-ce que c'est que de s'adresser à une génération qui est devenue productrice d'images ? C'est-à-dire que tous les instruments, les outils technologiques qui sont mis à disposition, tu parlais de langage tout à l'heure, permettent à des gens qui sont plus jeunes que nous d'abord de produire des images et les invitent à les monter. Et donc, je ne sais pas si vous êtes allé sur TikTok, mais en fait, on a des enfants qui passent leur journée sur un rythme extrêmement particulier, et avec plein d'effets, avec plein de filtres, à chercher leur propre rythme et à monter des images. Et je me disais, tiens, c'est étonnant, et j'ai absolument pas de réponse à ça, mais je sais que ça fait partie de mes interrogations, comment on parle à une génération qui monte, qui n'est pas juste en train de regarder, mais qui produit des images en permanence, donc qui filme, je pense que c'est une des premières à filmer toute la journée, et surtout à chercher un sens à la narration, et à monter elle-même, ou pas de sens du tout d'ailleurs, mais en tout cas à associer les images les unes avec les autres, de sorte à leur trouver un rythme, quelque chose qui leur plaise. Et j'avoue que ça fait partie des... Enfin, je me demande si je n'appartiens pas à une fracture générationnelle et si je ne viens pas du vidéoclub, là où eux, ils sont TikTok, et je ne sais pas... voilà. Je partage mon trouble. Moi, je voulais juste partager mon trouble avec vous. Juste pour rebondir sur les enfants, Moi, j'ai une fille de 10 ans et donc forcément, je suis confronté à ces conneries-là. Et en fait, non, mais en fait, j'essaie. Donc là, je lui ai appris à monter. Et en fait, non, mais en fait, je pense que le problème de ces trucs-là, c'est que c'est que ce que je disais tout à l'heure, c'est que de la vanité. En fait, c'est de la caméra, elle est sur eux-mêmes. Et en fait, du coup, je lui dis, c'est plus intéressant de raconter des histoires sur ta copine qui a une tête rigolote ou je sais pas qui, mais en tout cas, d'aller chercher ailleurs et de fabriquer des images. Du coup, depuis, il y a une espèce d'agilité hyper naturelle parce qu'ils sont habitués et c'est hyper bien. Mais c'est en fait, c'est un peu ça, c'est de pas avoir la caméra fixée sur soi, mais aller chercher ailleurs. Et pour répondre un petit peu par rapport aux extraits, moi c'est comme j'aime un peu. J'aime beaucoup des plateformes différentes, c'est-à-dire que faire du clip, ça va m'exciter, faire un court-métrage, ça va m'exciter, faire du cinéma, ça va m'exciter, même, je vais dire un gros mot, mais faire un film pour Netflix, ça peut m'exciter parce que c'est une plateforme différente et il faut le penser comme quelque chose où il va y avoir des gens chez eux en train d'être sur Instagram, en s'en foutant à moitié de ce qu'ils regardent, en mangeant des pâtes et en écoutant la radio. Mais c'est, je trouve ça intéressant, en fait, de plutôt que d'être dans le d'être contre le futur, de se dire c'est pas du cinéma, c'est autre chose, mais il y a un moment là où ils savent pas trop ce qu'ils font, c'est-à-dire que c'est comme quand d'un coup on a pu sortir les caméras des studios parce qu'on n'avait plus besoin de beaucoup de lumière. Là, c'est des compagnies de tech qui savent pas trop ce qu'ils font, qui ont énormément d'argent, et il y a, je pense, un laps de 4-5 ans avant qu'ils aient, comme les studios américains, avant qu'ils aient le système complètement loqué. Donc je pense qu'il y a peut-être, en tout cas pour plein de réalisateurs qui ont des idées qui ne sont pas forcément adaptées à un circuit de cinéma, où ils pourront aller explorer des choses avec des gens qu'ils ont en face d'eux, qui n'ont pas forcément, qui vont laisser passer certaines choses. Je suis sûr que dans les 3 prochaines années à venir, on va voir des choses étonnantes sur ces plateformes-là. Pour l'instant, c'est pas le cas. Il y a beaucoup de trucs nuls, mais je pense qu'il y a. En fait, il y a. Mais même les jeux vidéo. Moi, après, mon cerveau plafonne quand il y a de la 3D, donc j'arrive pas à fabriquer ce genre d'image. Mais je trouve ça intéressant qu'un réalisateur, à un moment, se dise je vais faire un jeu vidéo. Je vais réfléchir à une articulation et une manière de créer des images dans ce sens-là. Donc je pense que c'est plus large aujourd'hui. Enfin, je pense que c'est intéressant de voir tous les formats. Après, je pense, est-ce qu'il faut encore créer des images pour le format dans lequel il va être diffusé? Parce que, par exemple, est-ce qu'un film de cinéma, donc un film projeté, prévu pour être projeté au cinéma, s'il est regardé sur un portable, ce qui arrive beaucoup d'ailleurs, est-ce qu'il faut penser maintenant de ces images en fonction de l'endroit où on va le regarder. En tout cas, après, moi, ça me, même si au final, ça va finir sur des portables et des tablettes, quand c'est dans le but d'être projeté, il faut le penser pour l'endroit qui va être la plateforme majeure de l'œuvre, en fait. C'est-à-dire que sinon, si on pense à toutes les plateformes, on fait quelque chose d'un peu tiède. Mais quand on fait un clip, par exemple, mes petits cousins, ils regardent, ils font même plus ça, c'est-à-dire faire ça avec le téléphone. C'est un truc de vieux. Ils sont comme ça. Donc c'est comme l'image est comme ça dedans. Non mais c'est important. Mais du coup quand on fait un clip, on sait ok ça va finir comme ça. C'est-à-dire que ça c'est quasiment l'endroit principal où ça va se retrouver. Quand on fait un film, même si au final ça va, ben non, ils tournent plus les portables. Ouais. Alors qu'il suffit juste de faire ça. Non mais ils ont des bons yeux visiblement. Ouais. Non mais carrément ils se foutaient de ma gueule, je faisais comme ça, ils disaient ah t'es un vieux, alors que bon c'est un petit mouvement finalement. C'est déjà trop. Ouais. Mais quand on fait un film où le but premier c'est d'être projeté, on peut prendre, c'est pas du tout la même chose parce qu'on sait que les gens sont plus attentifs, sont dans la salle, vont avoir une attention. Si on commence à se dire bah, je vais le remonter pour la sortie télé, on n'en sort plus je pense. Et c'est intéressant. C'est une question qui est intéressante parce que pour le coup, alors ça va être la petite minute technique, vraiment technique, mais c'est des questions qu'on se pose peu dans notre pays. La question de pour quel écran c'est fait. Il y a un étalonneur, c'est quelqu'un qui gère les images, qui est venu il n'y a pas longtemps, qui est un très grand étalonneur anglais, qui travaille, qui lui, à chaque fois qu'il étalonne un film, donc il est en charge de finaliser le film, il se pose la question de pour quel écran c'est fait. Et en fonction de l'écran, est-ce que ça va être un film d'auteur, donc plutôt vu dans des petites salles ? Est-ce que ça va être ce qu'ils appellent un temple movie, c'est-à-dire justement un Marvel, un blockbuster, donc ça va être des salles gigantesques. Est-ce que ça va être plutôt vu à la télé ? Ça a une incidence sur la manière dont tu vas gérer le contraste, par exemple. Alors le contraste, on peut se dire, on s'en bat les reins, mais en fait le contraste, ça a une vraie incidence dans la manière dont on vit le film, pour deux raisons principales. C'est que ça a une incidence sur le volume de l'image, c'est-à-dire que et que c'est quand même un des trucs qu'on cherche un peu. On cherche toujours, quand on fait une image de cinéma, à avoir une sensation de réel, d'immersion. Donc une image qui, même si elle est projetée en 2D, on a la sensation qu'elle a du volume. Bah, c'est une image où on a une sensation de relief, donc où potentiellement on va pouvoir, comme spectateur, rentrer un peu plus dedans. Et tout le contraste a une vraie incidence dans la manière dont on vit le mouvement. C'est-à-dire plus c'est contraste, plus le mouvement, un mouvement, si je fais ce mouvement-là, s'il y a des brillances dans la bouteille, là, les brillances vont faire ressortir la vivacité du mouvement, par exemple. Donc le contraste, cette notion-là, c'est des questions qui sont des questions essentielles. Et aujourd'hui, alors, malheureusement, on ne fabrique pas un cinéma qui permet de se poser ces questions-là. Mais aujourd'hui, c'est des vraies questions qu'ont les exploitants en salle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, y a des nouveaux formats de projection qui sortent, et qui sont des formats où justement on essaye que le spectateur ait un truc d'immersion le plus complet possible. Parce que c'est ça qu'on vend aux mômes pour qu'ils viennent au cinéma. C'est leur dire, vous allez vivre une expérience d'image que vous ne vivrez pas avec votre petit écran carré. Et ça a à voir aussi avec la pureté technique de ce qu'ils vont être capables de voir en salle. Donc ça a à voir avec les nouveaux formats. Est-ce que, par exemple, la projection, probablement, dans 20 ans, n'existera plus. Maintenant, aujourd'hui, il y a une salle à Paris qui s'appelle, qui est au Pathé Bourgournel, qui a une nouvelle technologie qui s'appelle l'Onyx. En LED, et en fait, où les noirs sont parfaits. Quand vous êtes en salle, aujourd'hui, les noirs, ils ne sont pas parfaits si on est là. Mais en fait, avoir des noirs parfaits, ça enrichit le langage, en fait. Parce que ça permet d'avoir des images qui sont potentiellement plus dynamiques, potentiellement plus vivantes. Et on a aussi la possibilité, si on veut avoir des noirs gris comme en salle, de faire des noirs gris. Et donc, toutes ces questions-là, les questions de format ou de pour qui on fait, c'est des questions qui sont intéressantes parce qu'en fait, c'est des questions qui questionnent profondément ce qu'on a envie, par quel chemin on a envie que le spectateur vive le film, en fait. Et le petit écran... moi j'ai fait de la télé il y a longtemps et c'était une des problématiques de la télé, c'est qu'en fait on questionnait pas la taille de la télé, on questionnait les difficultés techniques. On n'avait rien le droit de faire en image parce qu'en fait les diffuseurs disaient oui mais les trucs trop sombres ça passe pas, les gens en fait ils allument la télé mais c'est pour éclairer leur salon, donc en fait on n'avait rien le droit de faire en image. Mais à partir du moment où on n'a rien le droit de faire en image, c'est le fameux truc. C'est pour ça que la publicité, moi je trouve que c'est vraiment intéressant, c'est qu'en fait la publicité, c'est le seul endroit qui interroge, c'est le seul endroit où le capitalisme, enfin, la société dans laquelle on vit, c'est que la réalisation, qui est quelque chose de très difficile à définir, en fait en publicité elle est au centre. On va choisir deux réalisateurs différents et on sait que le petit langage qu'ils vont amener, la manière, les petits éléments esthétiques, l'iconographie qu'ils vont créer, la manière dont ils gèrent leur montage, en fait. Deux mecs qui ont quasiment la même chose à faire, en fait, ça ne va pas du tout être le même film, in fine. Et la publicité, c'est ça, elle sait que surtout ce truc-là, c'est ça qui excite l'imaginaire, c'est ça qui réveille l'imaginaire, parce que c'était la phrase de Machin, c'est que, en gros, entre la publicité, on endort le spectateur, puis au moment de la publicité, on a 30 secondes pour lui réveiller l'imaginaire. Et en fait, ce truc-là, c'est la réalisation, elle est capable de faire ça, elle est capable, en fait, d'investir, comme la musique, d'investir la réalisation et l'image, d'investir un endroit où on n'est plus seulement dans un truc rationnel, on est dans un truc de... ça ouvre des portes, quoi. Et c'est pour ça que c'est important de se dire pour quel format je travaille, parce que si on travaille pour un grand écran ou un petit écran, pour ouvrir la porte de l'imaginaire du spectateur, on ne va pas forcément fabriquer de la même manière. Toufik, c'est des questions que vous vous posez en production de pour qui et pour quel écran et au niveau de en production, est-ce que c'est quelque chose qui rentre déjà dans le dans votre réflexion au début d'un film, au moment du financement? Bah, franchement, non. En fait, c'est pour le réalisateur. C'est lui qui... On en parle, mais c'est le réalisateur qui... Il le sait, en gros, on est là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, si oui, on a financé un film pour Netflix ou pour le cinéma, ou, c'est des choses qu'on verrait avec le réalisateur. Mais... non, franchement, non. Est-ce que vous sentez, vous, le travail, par exemple, dans le travail avec les réalisateurs, ce travail aussi de relation aux autres, l'influence des autres images, en fait, sur leur cinéma? Est-ce qu'on vous dit, par exemple, on aimerait bien faire ça comme telle vidéo qu'on a pu voir sur YouTube, ou telle série, ou telle, je sais pas, est-ce que ou tel jeu vidéo? Ouais, ça, c'est des les références, c'est toujours hyper intéressant dans la discussion, justement, pour voir à peu près là où le réalisateur se projette. Pour qu'on arrive à, même nous, avoir cet imaginaire dont parle Pierre. Et ouais, on parle beaucoup de références, de ils viennent de plus partout, films. En fait, les références. Elles ne sont plus que des références cinématographiques, c'est des références qui viennent de partout. De partout, c'est pour ça que je respecte le jeu vidéo, je respecte tout, justement, toutes ces images qui nous entourent. Et c'est là où la créativité arrive et comment le réalisateur veut la mettre en place. Associer des choses, et les références nous servent qu'à juste imaginer ce qu'il a dans la tête, parce qu'après, derrière, les discussions, on peut les avoir aussi beaucoup avec les techniciens, et on essaye nous-mêmes de décortiquer, de trouver un peu cette fameuse chose qu'il cherche. Je me tourne vers vous, j'imagine que vous avez des questions, donc c'est votre moment, techniquement. Est-ce qu'il y a un micro qui est là, donc si vous pouvez lever la main. Éventuellement. Le plus dur, c'est le premier. Après, ça va. Oui. Bonjour. Moi, c'est juste pour faire une remarque. Là, on voit des images de Hardcore Henry. On pourrait croire que c'est le jeu vidéo à la première personne qui influence le cinéma. Moi, dans ma tête, en souvenir d'enfance, j'ai La Dame du Lac, qui est un film qui est totalement en vue subjective, qui est un film des années 40, qui est un film noir, et où les seuls moments où on voit le héros, c'est quand il se regarde dans le miroir. Et en fait, voilà, ce que je veux dire, c'est le jeu vidéo n'a pas inventé la vision à la première personne. Le cinéma l'a fait bien avant. Il y a peut-être même d'autres films avant celui-là qu'il avait déjà fait. Moi, c'est mon souvenir d'enfance. Et même le jeu vidéo va chercher son influence dans le cinéma. Et c'est pas le reste, quoi. Puis le jeu vidéo, c'est interactif, et le cinéma, c'est émotionnel. C'est pas la même chose. Après, on parlait de l'écriture, et c'est vrai qu'on l'a pas évoqué encore, mais pour moi, le cinéma, c'est aussi la profondeur de champ. On fait des films en HD. Quand la vidéo est arrivée, la vidéo a pas remplacé le cinéma, parce que pour les chefs-op, cette histoire de profondeur de champ, on n'arrivait pas à retrouver toute cette image qui était plate, lumineuse. Et là, c'est vrai que dans notre langage cinématographique, on s'accroche à ça, à ce que apportent les objectifs, à ce que ce travail sur toute cette profondeur de champ. Et moins on en a, plus on est content. Voilà, ma réflexion, elle était là-dessus aussi, sur l'écriture de l'image. Ce rapport justement à cette profondeur de champ qui, pour nous cinéastes, fait partie de notre langage et la spécificité du cinéma par rapport aux autres images qui sont produites pour les autres supports où on se pose moins la question de cette profondeur de champ, il me semble. C'est une question que vous posez, la profondeur de champ, quand vous faites des films? Alors moi, j'ai l'exact opposé. Mais c'est pas du tout un truc de c'est pas pour être contradictoire et puis après mais c'est assez intéressant, c'est que sur Le Chant du Loup, le film de sous-marin sur lequel j'ai bossé, qui je pense est un film pour le coup, moi je suis le truc dont je suis le plus fier de ce film, c'est que c'est et je pensais pas, c'est un film qui a ramené au cinéma des gens qui n'allaient plus te voir de films français. Enfin, c'est les retours que j'ai, c'est-à-dire qu'il y a des mômes, qui voient le film, qui sont contents de voir le film, qui ont une sensation de... Et c'est pas lié à un travail technique, qui ont la sensation que quand ils vont voir ce film, ils sont au Cinoche, et pour rien au monde, ils se disent en sortant de la salle, j'aurais pu attendre que ça passe un dimanche soir à la télé ou que ça sorte en vidéo. Et je pense que, et c'est très, moi c'est le film me passionne pour ça parce que j'essaye de comprendre dans ce que le metteur en scène a voulu faire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, le film a des qualités et des défauts, mais qu'à un endroit, le film, ouais, il ouvre un truc d'imaginaire qui est marrant. Il y a plein de gens qui ont vu le film plusieurs fois. Moi, c'est un souvenir que j'ai enfant. Moi, le film, enfin enfant ado, le film qu'il y a chez moi quand j'étais ado, c'est Le Grand Bleu. C'est-à-dire qu'ils sont des films qu'on les aime ou qu'on les aime pas. C'est des films à un moment. C'est des films de cinéma, c'est-à-dire c'est des films qui donnent envie d'aller au cinéma. C'est des films couvrent. Après, maintenant, la petite réponse que j'ai par rapport à ça, c'est que Besson, c'est un storyteller d'images génial. C'est-à-dire qu'il est, pour le coup, c'est un peu l'égal d'un Spielberg ou d'un Cameron. C'est quelqu'un qui parle par l'image. Après, on dit ce qu'on veut de ses scénarios, du truc, mais sauf qu'il a cette capacité-là à savoir faire un récit visuel. Qui est extrêmement clair et limpide, et c'est pour ça que c'est un cinéaste qui est adoré dans le monde entier. C'est que ils sont très peu dans le monde à savoir faire ça. Et moi, ça va 14 ans, ça m'avait parlé. Et donc, Le Chant du Loup, le réalisateur, le premier truc dont on parle, il me dit, on parle du. Bon, donc c'est un film qui se passe dans les sous-marins, huis clos, machin, et un des premiers trucs qu'il me dit, alors, que ça soit clair, je veux qu'il y ait très peu de flou dans l'image. Parce que lui, il déteste qu'on emprisonne son regard. Il dit je veux pouvoir naviguer dans l'image comme spectateur. Il dit moi je peux pouvoir naviguer dans l'image. Donc forcément comme c'est une demande qui est assez rare d'avoir énormément de profondeur de champ, c'est un truc où je me dis bon ok, j'essaye de comprendre et surtout c'est un peu compliqué parce que le film c'est un huis clos dans des lieux tout petits ou censément qui sont des lieux en pénombre, c'est-à-dire où dans la réalité il y a très peu de lumière. Et il faut que cette idée, justement, c'est une idée de mise en scène, c'est une idée de langage, c'est une idée d'image, de dire je veux énormément de profondeur de champ. Alors qu'elle est très contre-intuitive par rapport au réel, du tournage, machin, tout. Et donc, je fais les premiers essais et je me rends compte qu'il a bien évidemment totalement raison pour une seule truc, c'est que un sous-marin, et ce que raconte le film, c'est l'interaction entre les gens, entre les hommes, dans des espaces clos. Et que si j'avais pas fait ça, si j'avais pas tourné à des diaphs qui sont des diaphs aberrants, par rapport à la réalité du lieu, ben en fait, je me serais retrouvé avec, d'une certaine manière, que des gros plans. Et en fait, les interactions entre les personnages, ça aurait été des interactions de montage. C'est le montage qui aurait créé le lien entre les. Et lui, il voulait pas. Il voulait qu'on ait aussi la possibilité, à un moment, de vivre, donc d'être en immersion, de vivre avec eux et d'être, quand on est en gros plan sur le premier, qu'on puisse lire. Celui qui est derrière, celui qui est encore derrière, celui qui est encore derrière. Et il avait totalement raison. Et pour le coup, c'est une intuition de langage. Ce n'est pas une intuition esthétique, c'est une intuition de langage qui crée une esthétique. Et c'est en ça que, effectivement, en fait, on se sert vachement de la profondeur de champ, du flou, du truc, ça, parce que ça donne un rapport de présence et de relief qui est génial au cinéma. Et c'est ça, effectivement, qui différencie par rapport à la vidéo. C'est que tout de suite, ce qu'on veut mettre en valeur. Parce qu'on a la possibilité de jouer avec le flou, on peut le mettre en valeur facilement. Mais voilà, il y a des. Après, quand on fait de la profondeur de champ, bah d'un coup, ce qui est compliqué, c'est la mise en scène. C'est-à-dire que on voit tout, donc il faut que tout le monde à l'écran joue bien, par exemple. Alors que d'habitude, on met en flou, puis tout va mieux. Là-bas. Bonjour, je suis Françoise Noyon, je suis opératrice. Et en ce qui concerne la profondeur du champ, je pense qu'on peut aussi parler de grands aînés comme Frank Capra ou Orson Welles qui justement faisaient des mises en scène avec une grande profondeur de champ où, comme le disait Pierre, là, ils pouvaient se promener et toutes les actions dans l'image étaient importantes. Donc, le dogme de manque de profondeur de champ qui fasse plus cinéma est-il franchement juste? C'est avoir de la profondeur de champ, ça veut dire avoir plus de budget, ça veut dire avoir des décors, ça veut dire savoir mettre en scène, ça veut dire savoir éclairer. C'est aussi beaucoup plus de travail. On peut aussi se poser la question économique du manque de profondeur de champ. Je ne sais pas si Romain ou Audrey, comme vous réalisez, c'est une. quelque chose auquel vous réfléchissez ? Bah, évidemment, enfin, je veux dire, aujourd'hui, il y a un dialogue permanent parce qu'on sait que le financement des films change et il y a ce qu'on a envie de faire et ce qu'on peut faire. Enfin, il me semble évident et un peu triste à la fois qu'il faut en permanence composer entre des désirs initiaux et puis ce qu'on pourra faire une fois que le budget est établi, sachant que, mais je repensais à ce que vous disiez tout à l'heure en fait, sachant que quel est le médium original, en tout cas, je me demandais, est-ce que le médium premier, celui pour lequel on fait, est celui auquel on destine le film, c'est-à-dire la salle, ou l'endroit où le film va être le plus vu, c'est-à-dire la télé. Et j'avoue que ça fait aussi partie de mes endroits de réflexion. Je vais reprendre l'exemple de Roma. Je l'ai vu une première fois à la télé, et puis la SACD avait donc organisé cette projection ici. Et je me disais, c'est marrant parce que c'est un parfait contre-exemple. C'est-à-dire que c'est un film qui n'est fait qu'en plan large quasi. Et donc, dès qu'on le voit, enfin moi je l'ai vu sur la télé de mes parents qui a une télé nulle, et donc je perds la moitié du film qui, et dont Netflix se vante d'avoir fait, et Netflix dit, voilà, on fait des films de cinéma, et choisit par exemple, malencontreusement, celui qui se prête le moins à l'écran, à cet écran-là. Et je pense qu'à terme, ça va infuser ma réflexion et que je vais me dire, somme toute, parce que c'est mon goût, parce que c'est ma culture, parce que j'ai été construite comme ça, j'ai envie de penser le film pour le cinéma. Et en même temps, je dois admettre que si ce n'est plus l'endroit où il va être vu, peut-être qu'au bout d'un moment, je vais me poser cette question-là. Donc la profondeur de champ fait partie, mais pas seulement. De où et comment ce film va être vu, parce que dire je m'en fiche, moi c'est mon réflexe premier, je m'en fous, j'ai envie de faire des films pour les voir dans des salles noires, des salles obscures et pleines si possible, et ça arrive de moins en moins. Mais je pense qu'à un moment, ça fera partie de notre rôle de réalisateur, ça fera partie du rôle des producteurs, de repenser un système, et pourtant ça nous fait mal, mais de se dire, voilà, est-ce qu'on peut nier que finalement le médium, le vecteur le plus... Et c'est une tendance qui s'inverse, mais le plus fort aujourd'hui, c'est l'écran chez soi, des écrans en plus à géométrie variable, parce que voilà. Et je trouve que là, il y aura peut-être une réflexion qui va s'engager, parce que c'est difficile de ne pas penser au support quand le support change. Romain, tu... Non, mais c'est un peu, c'est pour rebondir sur ce que tu dis, ce que je disais. Moi, je prends la façon où, genre carrément, il faut être excité par le fait de se dire, ah bah, c'est déprimant si c'est toute la vie Netflix et s'ils gagnent, c'est très très déprimant. Mais par contre, je pense que c'est intéressant de se dire, ah bah, qu'est-ce que ce format va apporter, et au lieu de se dire, ah bah, j'ai pas d'autre solution pour faire mon film, plutôt de se dire, ah bah, qu'est-ce qui peut être excitant dans ce format-là, ce qu'ils n'ont pas compris, ce que... Après, c'est sûr que si ça devient la norme et que... Mais je pense pas, je pense que ça, c'est des... Ça deviendra autre chose, mais je pense pas que le cinéma va mourir. Ce qui est un bon mot de fin. Voilà. Non, mais sachant que le truc de Roma, enfin, c'est quand même des choses qu'il faut... Non, c'est qu'en fait, il y a un truc du cinéma américain, et on va vivre la même chose, c'est que le cinéma américain, aujourd'hui, les films, qui sont les petits films pour en dessous de 50 millions d'euros, avant, ils avaient ce qu'ils appelaient le deuxième marché, le DVD, tout ça, pour rentabiliser un film. C'est-à-dire que le film pouvait être un four en salle. Le deuxième marché faisait qu'un film, un film d'auteur, comme ils appellent ça, pouvait se rentabiliser. Aujourd'hui, un film d'auteur aux États-Unis, dont Miramax était le porteur, il n'est pas sûr de se rentabiliser sur le premier marché, et s'il ne se rentabilise pas sur le premier marché, en fait, il ne va pas se faire. Donc c'est pour ça que Netflix, c'est pour ça qu'il y a énormément de films, et c'est pour ça que, en fait, c'est des films qui sont faits pour Netflix, parce qu'en fait, en salle, aujourd'hui, ça devient un peu dur d'être sûr de les... Oui, mais après... Bah, Roma, c'est un film qui est pensé pour le cinéma, qui n'arrive pas à se financer, et finalement, c'est Netflix qui vient financer. Mais du coup, ce qui est étrange, c'est que moi, je vois une inadéquation entre la pensée initiale, et parce que c'est très particulier, enfin, je veux dire, c'est vraiment un dispositif de plan large et tout, que des plans larges. Et soudain, la possibilité de le faire, et là, je te rejoins, Romain, c'est que ça ne s'est pas adapté à la pensée et à cette image particulière qui est celle de l'écran. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que chaque support a des vertus et en tout cas permet un terrain d'expérience complètement différent. Mais ce que je trouve étrange aujourd'hui, c'est de se dire pour qui on fait ces images. Et ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est que les deux se font ensemble, tu as raison. C'est-à-dire que la plupart des films, bah, je crois que toi, Le Monde est à toi, c'est sur Netflix. Ou ça va l'être. Ou... Donc tu vois, il y a tout un... Donc aux États-Unis, tu fais le film pour la salle en France, mais toi, tu y penses ou pas ? Bah non, je pense le film pour la salle, parce que c'est son... Après, il se trouve que dans les ventes internationales, tu ne peux même pas te battre avec ton distributeur quand Netflix vient, parce qu'il dit ils mettent ça, et un distributeur en salle qui met ça, et tu vas sortir dans une salle à New York, une salle à LA, alors que Netflix, littéralement, il rajoute un zéro au chiffre. Alors bon, tu peux pas te battre avec ton distributeur contre ça, même t'es content, t'es un peu flatté. Que le problème de Netflix en fait, c'est que après t'es perdu dans Netflix. C'est-à-dire que surtout quand t'es un film en langue étrangère, alors c'est, moi je me dis ah c'est cool, plein de gens, mais en fait non, t'es vraiment perdu dans le truc. Donc je suis pas du tout en train de faire la promo de Netflix, mais je trouve que c'est une plateforme et qu'il faut pas forcément voir ça comme le diable. Mais on a dérivé de sujet quand même. Mais on l'image, en fait, c'est marrant, mais juste par rapport à Romain, en fait, c'est juste qu'il a gagné une liberté, l'image a gagné cette liberté-là. C'est ça le principe de Romain. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas eu cette liberté avec les gros studios et les groupes. Au vu de certaines séquences, c'est impossible aux États-Unis. Et c'est ce que Netflix a fourni, en fait. Il lui a donné de la liberté. Non, mais je suis d'accord, je suis pas en train de dire que Netflix c'est génial. Hein. Je suis juste en train de dire en fait la liberté qu'ils leur ont donnée. Ouais. Mais vous êtes pas d'accord que Roma c'est de la liberté qu'ils lui ont donnée ? Mais non, mais justement, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis de l'argent pour lui donner cette liberté-là. Exactement. Qu'il a fait. Mais les groupes ne l'ont pas fait. Mais les groupes ne l'ont pas fait. Bah oui. On va parler, si Pierre était peut-être au courant, Le Chant du Loup est un film qui est sorti en France au cinéma chez nous et qui ensuite est distribué par Netflix sur une plateforme. Mais c'est donc un film de cinéma qui est produit avec du pognon de cinéma. Roma est un film de cinéma qui est produit avec de l'argent de cinéma. Ensuite, quand ils ont cherché des distributeurs, c'est là où Netflix est arrivé pour acheter un film de cinéma. À aucun moment, Roma n'a été pensé pour la télé. C'est juste total, une opération c'est ce que, de com' c'est exactement de Netflix. Ce que je dis, en fait. C'est exactement ça que je vous dis, en fait. C'est ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, acheté, ils ont fait le chèque pour, justement... Ils ne sont pas producteurs. Ah, j'ai pas dit qu'ils étaient producteurs. Okay. J'ai dit qu'en fait, justement, l'argent a pris le dessus... Et en gros, il y a eu une liberté qui s'est mise en place aussi chez Quaron là-dessus. Et c'est là où, en fait... Non, mais c'est tout le problème des groupes américains. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y avait vraiment cette histoire de liberté, il l'aurait sorti en salle, il l'aurait acheté. Mais c'était impossible, au vu de ce qu'on a vu dans le film, que, en fait, ça se passe. Et c'est ça qui était triste. Je crois qu'on dévie un peu de sujet. Juste, on va prendre une dernière question. Là. Mais non, il y a trois autres. Il y a trois autres questions. Eh bien, trois autres. Courte. Je vais le faire. En fait, pour moi, juste se dire, on parlait de l'esprit d'image en tout début de table ronde, de comment différencier une image de publicité, une image de clip. Mais en fait, tout s'influence, en fait. C'est plus une question de comment on veut le voir. Par exemple, les clips, ils ont vraiment été lancés, bon, citons, je ne sais pas en grand nom, Michael Jackson, qui avait amené des gens comme Martin Scorsese, John Landis, pour réaliser... également des équipes techniques avec des chefs opérateurs, des chefs d'effets spéciaux de qualité afin de proposer du spectacle. La télé a fait ça ensuite avec certains téléfilms. Là, j'ai pu par exemple les exemples en tête, mais on a toutes les plateformes payantes qui sont arrivées, Canal qui a fait beaucoup pour la création. Aux États-Unis, on a eu HBO. À mon avis, c'est plus une question de ressenti. Netflix, c'est un peu ça. Je comprends qu'aujourd'hui, le fait qu'ils achètent du cinéma, ils veulent tenter de faire une image de cinéma, mais que ce soit simplement des distributeurs qui soient très, très exclusifs et très renfermés et qui fassent du mal à tout le monde. À mon avis, c'est, C'est plus pas le propos, c'est la manière de ressentir l'image. Et si jamais des gens ressentent le besoin de montrer des clips, des documentaires ou des films exclusivité Netflix sur grand écran, pas de problème. Oui. Oui. Non, mais c'est vrai, c'est une question de plateforme. Je pense qu'il y a, il y a vraiment des choses intéressantes partout. Et le débat, forcément, on y arrive au débat Netflix, le cinéma, Netflix et le diable, tout ça. Il est inévitable. Non, mais c'est normal parce que ça fait peur à tout le monde. Et moi, du point de vue de réalisateur, je vois juste une opportunité où je me dis, c'est une compagnie tech, c'est pas encore un studio. Parce que les studios, moi, j'ai parlé déjà avec les studios ricains et tout ça. Je veux dire, en niveau de castration de réalisateurs, c'est un énorme niveau. Netflix, ils ne savent pas encore trop ce qu'ils font. C'est le seul truc que je dis. Je dis juste, dans 4 ans, ils sauront exactement ce qu'ils font. Pour l'instant, ils ont besoin de trop de contenu. Donc je dis, c'est peut-être le moment dans ce format-là, pour des réalisateurs qui ont des envies mégalomaniques, des mégalomaniaques de budget et de faire des trucs un peu différents, il y a peut-être une petite porte. Voilà. C'est tout ce que je dis. Bonjour, donc moi c'était pas une question, c'était plus une remarque d'un pur observateur et spectateur de cinéma. Monsieur Gavras, vous avez dit, quand on parlait de qu'est-ce que c'est que le cinéma, vous êtes presque excusé d'être terre à terre et dire que le cinéma c'était diffusé en salle, mais moi je voulais vous remercier d'être terre à terre et de dire ça, parce que au final là on a le point de vue donc d'un chef opérateur, d'une réalisatrice, de ce que c'est que le cinéma. Mais c'est vrai que pour les spectateurs dont je fais partie, c'est vrai que moi si je vais au cinéma, c'est parce que je vais dans une salle et que quelque part je vais être prise au piège dans la salle de cinéma, parce que même si j'adore le cinéma, par exemple Roma, j'ai honte de le dire, mais quand je l'ai vu sur ma télé, bah, je l'ai coupé, parce qu'en fait, j'avais pas 2 heures devant moi, j'ai regardé pendant 1 heure, j'ai fait autre chose, et après, j'ai repris. Et ça, dans une salle de cinéma, c'est impossible de le faire. Et c'est pour ça que, pour moi, le cinéma, c'est quelque chose de magique, parce qu'au final, à une époque, il y a encore très peu de temps, il y avait le cinéma et la télévision n'avait pas les moyens de faire du cinéma. Et c'est ce qui faisait une différence technique entre le cinéma et la télévision. Aujourd'hui, on a des nouveaux acteurs comme Netflix, qui ont les moyens de faire du cinéma, de faire des films de cinéma. Il y a des réalisateurs de plus en plus qui vont vers Netflix et qui sont capables de faire du cinéma, mais que pour Netflix. Et donc, je pense que si on s'arrête juste à une question technique, c'est pas Netflix qui va tuer le cinéma, c'est qu'on se pose mal la question. Je pense qu'il faut garder en tête, le cinéma, c'est des gens dans une salle qui vont vivre ensemble une expérience. Et par exemple, Le Chant du Loup, je l'ai vu au cinéma, et c'est un film que j'ai pris plaisir à voir au cinéma parce que c'était une expérience que j'aurais pas vécue de la même manière dans mon salon. Et donc je pense vraiment qu'il faut garder en tête que c'est ça aussi le cinéma, c'est pas qu'une question technique. Oui, mais je veux juste rebondir par rapport à ça, parce que c'est la vraie difficulté du cinoche aujourd'hui, c'est que c'est le problème d'Internet, c'est le problème de l'époque, putain, j'ai l'impression d'être un vieux gros, ça me fait chier. Non, mais c'est qu'en fait, on habitue les mômes à des formats de 1 à 2 minutes en termes de concentration. Moi, quand j'ai été voir, je vais rarement voir les Marvel au cinéma et tout ça, mais il y a un truc qui m'a fait halluciner, c'est que à Marvel, avec des gens, il y a, je pense, 10 ou 15% de la salle, ça bastonne, ça parle. Ils sont sur leur portable, comme ça, ils vérifient leur texto, ça rebastonne, ils regardent, ça reparle, ils sont à nouveau. Et on voit de plus en plus, mais un truc où effectivement la salle, le truc génial de la salle, c'est que on peut vivre, c'est comme la vie, quoi. On peut vivre vraiment autant de nos émotions. C'est-à-dire que ça va durer 1h30, mais dans les faits, si ça se trouve, une séquence qui a duré 10 minutes, en fait, on va avoir l'impression qu'elle a duré 1 seconde, et puis une autre qui a duré 1 seconde, on a l'impression qu'elle a duré 10 minutes. Et la salle, effectivement, elle permet ça, contrairement, parce que normalement, on est à un endroit où on coupe le portable, comme tous les spectacles, machin. Et on peut vivre ça. Mais j'ai le truc qui est compliqué, je reviens encore aux mômes, c'est comment on fait pour leur dire « Ponde-toi le cul, 1h30 dans la salle, oublie le reste et profite de ça, essaye de vivre quelque chose qui est différent. » Et c'est compliqué parce que le cinéma américain arrive à faire ça, parce qu'en fait, ils en remettent plein les yeux, plein les oreilles, et ils arrivent à les capter sur ça, capter sur le fait, sur le mode frénétique, en fait. Nous, on a un cinéma qui n'est pas sur son giste-là. Techniquement et économiquement, on est un peu à la rue, donc on ne peut pas proposer ce spectacle-là. ce tour de manège-là, on ne peut pas concrètement le proposer au môme. Donc il nous reste la comédie, parce que la comédie, les gens comprennent bien pourquoi c'est mieux de regarder un film en étant 500 et en riant ensemble qu'en étant tout seul dans son salon. Mais pour les autres films, comment on fait pour intéresser une génération qui a l'habitude que ça aille vite, quoi. Et sachant que le cinéma, oui, c'est... moi, c'est vraiment le... C'est ça qui m'intéresse. Pour moi, l'image, elle est centrale là-dedans, parce que parce que les mômes, ils sont captés par l'image. Ils ne sont pas captés par le sens, ils sont d'abord captés par l'image, je pense. Après, j'ai peut-être tort, mais j'ai l'impression que le premier truc, c'est de se dire, OK, ça bouge, c'est vivant, il y a un truc... Et c'est en ça que le jeu vidéo, tout ça... Sa structure des formes. Alors, il y a un truc qu'on n'a pas dit sur le jeu vidéo, qui je pense est une chose intéressante aussi, qui est juste le jeu vidéo, c'est des images en 3D. C'est-à-dire, c'est des images. C'est un truc qu'on fait un peu moins au cinéma aujourd'hui, c'est que une image, en fait, avant d'être sur un écran, il faut qu'elle soit dans la tête du réalisateur, quoi. Et le truc qui est bien des images, de l'animation, de tout ça, c'est que c'est en fait, c'est des images qui préexistent d'abord. Dans un imaginaire, dans l'imaginaire du créateur, et que son imaginaire à lui, il va essayer de le donner à voir. Aujourd'hui, à cause ou grâce aux caméras numériques, on a un geste où on est vachement dans la captation. C'est-à-dire que de moins en moins, on est dans un truc où l'image, elle est là, et il faut essayer de la fabriquer et de faire avec le réel va la transformer et tout ça, mais d'abord, elle est là. Ce petit truc-là, je pense que si ça participe de qu'est-ce qu'on donne à voir, en fait. Et ce qu'on donne à voir, c'est on doit donner à voir un imaginaire, ce qu'il y a dans la tête de quelqu'un. Quand Romain dit moi j'imagine une scène avec 300 Chinois blonds, en fait, ce que tu cherches à faire, c'est à rendre tangible ton imaginaire et à voir s'il y a quelqu'un qui peut le partager. Et en fait, c'est ça une image de cinéma. C'est une image de cinéma, c'est un pur produit de création. Qu'on essaye de créer, et le truc, c'est pas une captation, c'est pas que... Et c'est pour ça que... Enfin, c'est complexe, mais le cinéma, en fait, c'est la zone de partage, quoi. Le cinéma, c'est... on est là, l'écran est là, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, nous, on est transporté là, et ce qui est là est transporté par là, quoi. Enfin, et ça, la télé, cette question-là, elle n'est pas posée, en fait, parce que c'est la phrase de Godard, hein. Au cinéma on lève la tête, à la télé on la baisse, mais cet endroit-là, c'est un endroit de langage, et c'est pas un endroit de flux, c'est pas un endroit de produit par produit, c'est un endroit de vous comprenez, ouais. Non, mais en fait c'est assez joli, c'est l'enfermement, en fait. On est enfermé dans une salle de cinéma, et du coup faudrait peut-être qu'on enferme les enfants dans les salles de cinéma. C'est un projet, hein, comme un autre. Non, mais on va sortir avec des solutions assez dures. Voilà. Hein. Mais OK, il y a des d'accord. Sur Netflix, pardon, je prends la parole, Pierre Jolivet, membre de l'ARP. Je voudrais quand même rajouter une chose sur Netflix, même si ce n'est pas le sujet de ce matin. C'est le problème du Final Cut. Bien évidemment, la grande différence entre le cinéma et Netflix, il faut que les gens le comprennent bien, et nous on le comprend bien puisqu'on est confronté à cette problématique, c'est que dans le droit français, dans le droit européen, le final cut, le film est terminé quand le producteur et le réalisateur se mettent d'accord. Dans les contrats Netflix, au cas où le réalisateur et le producteur ne se mettraient pas d'accord, c'est le producteur qui décide. Et évidemment, cette frontière est fondamentale, puisque s'exprime au cinéma la vision d'un homme, d'une femme, pour raconter une histoire telle qu'il la pense, telle qu'il la vit. Aujourd'hui, Netflix ouvre la porte, pirate le cinéma, comme Amazon qui vient de racheter les premiers films d'auteurs du Sundance. Il s'achète une histoire de cinéma par, comme disait la personne au premier rang, des films de cinéma qui sont piratés grâce à l'argent pour faire croire que Netflix est du cinéma. Donc c'est ça le processus aujourd'hui. Et évidemment, il donne une liberté comme HBO a donné une époque, beaucoup moins grande, mais une liberté un peu plus grande. Mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, un contrat Netflix, à la fin, c'est Netflix qui déterminera si le film est fini ou pas. Et si le big data de Netflix leur dit par expérience du big data, à ce moment-là, il faut plus ça ou plus ça, ils le décideront. Donc il est fondamental que la France et que l'Europe livrent cette bataille du droit moral. Parce que si on perd la bataille du droit moral, on perd toutes les autres batailles. puisque quand Netflix sera encore plus puissant, et aujourd'hui ils font ce qu'on fait dans toutes les machines capitalistes classiques, on séduit, on cherche à plaire, on va chercher des auteurs, et puis au moment où on a vraiment gagné tout le marché, on fait définitivement la loi. Donc, c'est ça le problème numéro un. Il faut que nous arrivions à ce que Netflix soit un contributeur à créer de beaux films et de belles images. Et tout contributeur moralement irréprochable est bienvenu, évidemment, pour créer les histoires les plus belles et les plus fortes possibles. Mais il faut que ça soit dans un cercle vertueux. Et pour l'Europe, qui est attaquée aujourd'hui par la Chine, par la Russie et par les États-Unis, ce droit moral revêt une symbolique bien au-delà du cinéma. C'est la force des GAFAN aujourd'hui, qui c'est un empire lui-même. D'ailleurs, vous avez vu, il va créer sa propre monnaie, peut-être. Et c'est ça qui est en train de se jouer. C'est que si on n'a plus le droit moral et la décision finale de ce que sont nos œuvres, nous perdrons sur beaucoup d'autres, dans beaucoup d'autres domaines. Donc Netflix n'est pas neutre, c'est pas juste un nouvel entrant, c'est une nouvelle façon de voir le monde qui pourra nous être imposée dans les années qui viennent. Alors, juste pour, je suis complètement d'accord. Juste pour rebondir, c'est une vision américaine. En fait, les Américains ne donnent les grands studios, même à l'époque où la Paramount produisait les films ici. Et après, il y a du cas par cas. Moi, je pense qu'aucun réalisateur ne devrait jamais laisser le Final Cut à un studio, à quelqu'un d'autre. Mais il fonctionne quand même dans une dynamique qui a toujours été la dynamique américaine. De très peu de réalisateurs ont le Final Cut aux États-Unis, mais que ce soit chez la Fox ou la Paramount. Après, la seule chose en fait que et je pense que ici la façon d'y répondre, et je sais pas comment ça se passe. Je sais que toi, Toufik, t'en as produit un de film Netflix. Ils ont le Final Cut. En fait, je rejoins ce que Monsieur Jolivet dit. C'est du piratage, c'est-à-dire que. Là, nous, on a le Final Cut, mais parce qu'on fait partie des premiers originals Netflix français. Mais je pense que dans 2-3 ans, on en rediscute, ça va être différent. Oui, c'est ça, c'est parce qu'ils auront compris comme c'est une façon de pirater, en fait. De s'infiltrer. Mais le problème, c'est que ça va être là. C'est comme dans les livres de Dostoïevski où il y a tout le temps des personnages qui crient les chemins de fer, les chemins de fer, on est envahi par les chemins de fer. Bah, les chemins de fer, maintenant, donc il faut mettre un cadre à tout ça complètement, mais exactement, faut imposer un cadre et voir au fur et à mesure. Mais il y a un moment, je reprends le droit moral, le droit d'auteur, ils l'auront toujours juridiquement loqué. C'est-à-dire qu'après, c'est ce truc-là aussi qui est verrouillé. Et après, c'est un droit. J'ai comme dit, c'est du piratage, c'est-à-dire que ils peuvent te laisser de la liberté soi-disant, mais si jamais à un moment tu dois rentrer dans l'art. T'arriveras sur la partie juridique et là, ton droit d'auteur est foutu. Donc, c'est eux qui auront la main. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là où tu dis, en fait, c'est quand tu vois quelqu'un et tu te dis, est-ce que je dois m'en méfier ou pas, en fait ? Est-ce qu'il va me, tu vois, est-ce qu'il va m'agresser ou pas ? Et bah, il te faudra voilà, vivre le truc pour voir. C'est super joyeux. Juste une dernière question. Vous êtes une dernière question. Juste deux secondes. Juste rajouter un truc parce qu'il y a un truc encore plus pernicieux dans le cinéma américain. Que aujourd'hui, que de faire disparaître le droit d'auteur, c'est qu'en fait, ils font disparaître les auteurs. C'est au sens où, moi, c'est un truc que je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps, je me suis dit, en fait, les derniers, à part un, tous les auteurs qu'on connaît, américains, tous les réalisateurs, ils ont tous plus de 50 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de relais de génération, on veut que le réalisateur n'existe plus. C'est-à-dire que... vous prenez tous les réals, Fincher, Nolan, les Mexicains, tous ceux qu'on connaît, ils ont tous... Non, mais la bande des Mexicains, les trois. Quaron, voilà, ils ont tous plus de 50 ans. Et ça fait très longtemps que ça n'est pas arrivé. C'est-à-dire que ça, c'est un vrai problème. Parce que potentiellement, si vous avez des auteurs qui ont plus de 50 ans, comment ils font pour parler au monde de 20 ans ? S'il faut qu'il y ait des relais de génération, il faut qu'il y ait un réalisateur star de 30 ans, il y en a un. Il faut qu'il puisse parler à... C'est Damien Chazelle. Non, mais je parle des Américains. The Get Out, le mec qui a fait ça, enfin, il y en a quelques-uns, quoi. Oui, mais par rapport, regarde c'est la génération. Foutu, quoi. Non, c'est pas ça que je dis. C'est que, mais par contre, les gens qui sont derrière. Les blockbusters avant, on savait qui était derrière. Cameron, Spielberg, machin. Aujourd'hui, les blockbusters, est-ce que tu es capable de me citer le nom du réalisateur du dernier Marvel ? Non, mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est les c'est ce que tu dis est vrai sur les franchises. Voilà. Bah oui, et comme c'est... on est à l'ère de la franchise, moi, ce que je trouve plus triste, c'est qu'en en fait, il y a des cinémas qui coexistent. Évidemment, il y a une nouvelle génération qui existe. Enfin, après, l'heure de la franchise, et là, tu as raison, la marque surpasse de loin tous ceux qui font ce cinéma-là. Donc, Mais c'est la franchise qui parle. Star Wars, d'une certaine manière, c'était des franchises. Ou le cinéma de Spielberg, même si c'est pas du cinéma de franchise, c'était derrière, il y avait quelqu'un. Il y avait un imaginaire, il y avait une identité, il y avait une humanité. Là, derrière les films à grand spectacle, l'humanité, elle n'existe pas, en fait. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut la vision fabriquée de l'image. C'est essayer de fabriquer collectivement l'imaginaire de quelqu'un, l'imaginaire du réalisateur. Donc, si le réalisateur il n'existe plus, parce qu'en fait, comment on fait pour fabriquer des images qui vont au-delà de ce qu'elle devait être au départ ? Parce qu'en fait, c'est ça le but du jeu, c'est de fabriquer quelque chose qui nous surprend tous. Mais ça existe chez nous. Enfin, moi, je rejoins M. Jolivet à un endroit précis, c'est que ça interroge la nature même de notre cinéma. C'est-à-dire, est-ce que on va rentrer dans un cinéma d'efficacité ou est-ce qu'on va avoir encore une nature plus auteur qui ne cherche pas à plaire à tous ? Et effectivement, c'est peut-être cette... l'arbre et c'est peut-être intéressant qu'à un moment, on a tous ce sentiment commun, qu'on aille mener cette bataille-là pour dire que si le seul but de chaque œuvre produite est de rassembler le plus grand monde, le plus de monde possible... sans chercher à dissocier les choses, sans chercher à innover, là, effectivement, on va perdre ce qui est l'exception culturelle française. Et pardon, en fait, on se plaint beaucoup depuis tout à l'heure, mais nous sommes peut-être le cinéma le plus vif, le plus résistant, et le plus apte encore, et c'est ce qu'il faut protéger, à produire des films différents. Enfin, je veux dire... Je suis d'accord, mais la population des spectateurs vieillit. Et c'est la vraie problématique, c'est que la vraie problématique... Moi, j'ai essayé de finir sur une note joyeuse, mais je crois qu'on ne va pas y arriver. Hein. Je pense qu'on a démarré un autre débat. Et voilà. Alors, il y a juste une dernière question n'est pas sur Netflix. Non, ce n'est pas sur Netflix. Merci. On vient de me tendre le micro en me disant qu'on espère que la question est intéressante. La pression est un petit peu là. Et en plus, je vais me permettre quand même d'étendre un peu le débat. Mais en même temps, vous avez tendu la perche énormément pendant cette table ronde. Et j'apprécie beaucoup parce qu'on ne parle pas que de technique, mais on parle véritablement de création. Et donc pour ma part, je suis producteur musical pour le cinéma et jeux vidéo. Et dans la part de création de l'image, je me pose cette question de comment intervient ce qu'on appelle le troisième auteur, ce qu'on appelle donc vraiment ce process de création parmi les trois qui génère des droits d'auteur sur un film, à quel moment c'est le bon moment pour vous, vous qui parlez d'images, d'intégrer la partie musicale de votre film ? Je finirai juste en disant que c'est vrai que c'est un souci général qu'on a en France. Est-ce que c'est propre au pays, propre à l'enseignement ? J'ai vu des t-shirts écarts qui passaient. Pourquoi dans cette démonstration qu'on a dans cette salle, vous pouvez me jeter d'ailleurs si vous trouvez que cette question n'est pas à propos, mais pourquoi justement, comment, à quel moment le process musical intervient pour vous. Toufik, un petit coucou d'ailleurs après pour le petit locataire qu'on a fait ensemble justement. Moi, c'est juste, c'est juste une anecdote, mais en fait, et je pense qu'il va relier le truc. Enfin, dans ma tête à moi, ça le relie. J'ai eu une chance inouïe dans ma vie, je pense que c'est le truc dont quasiment je suis le plus fier, c'est que j'ai fait un film dont Ennio Morricone a fait la musique. Et le réalisateur, qui est très sympathique, quand ils ont enregistré la musique, m'a convié à venir voir l'enregistrement à Rome, l'enregistrement d'Ennio Morricone. Le film s'était fait normalement, Ennio Morricone, il compose la musique avant le thème, tout ça, et il propose au réalisateur. Et en fait, moi, je me ramène, ils sont en train d'enregistrer, et je vois le réalisateur découvrait sa musique en même temps qu'il enregistrait. Donc, il devait avoir un avis critique dessus, tout ça, machin. Et le premier truc que je vois, moi, c'est ils enregistrent la musique, et après, ils repassent la musique sur les images, sur les écrans pourris, mais sur les images, et il n'y a que les images et la musique. Et je découvre à mon grand étonnement, quand je vois ça, qu'en fait je revois toutes les intentions du découpage. C'est-à-dire toute la syntaxe dont je parlais au début, je la vois. C'est-à-dire qu'en fait, la musique, mais en fait, Ennio Morricone comprend extrêmement bien le langage de l'image. Donc en fait, il met en valeur ce plan-là, puis ce plan-là, puis ce plan-là, puis ce plan-là. C'est-à-dire qu'Ennio Morricone, sa musique fait que vous rentrez dans l'image. Clairement, vous rentrez dans l'image. Et après, donc je me dis, ah tiens, c'est marrant. Et je vois ça sur tous les trucs. Et puis après, je me suis mis à réfléchir. Alors, j'ai peut-être réfléchi d'une mauvaise manière, mais j'ai compris un truc qui, à mon avis, est génial chez Morricone, c'est qu'en fait, c'est un cinéaste. Et comme c'est un cinéaste, comme c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien le langage de l'image, quand vous vous souvenez d'un film, des films de Sergio Leone, la musique est indissociable de l'image, et l'image est indissociable de la musique. Et en fait, c'est indissociable parce que c'est une histoire de langage, parce que la musique vous permet de rentrer pleinement dans ce qui est raconté visuellement. Et comme il le fait extrêmement bien, c'est-à-dire comme il soutient la mise en scène d'une manière extrêmement forte, il peut se permettre derrière de mettre un instrument qui n'a rien à voir avec ce qui est à l'écran. Il n'est pas là pour faire du surlignage, pour faire un truc d'émotion, machin. Il est là pour servir le récit du film et après ajouter lui sa petite couleur supplémentaire. Et ce qui était vraiment très émouvant de ce monsieur, c'est que 85 ans, angoissé comme c'est pas permis sur le fait de bien faire, de servir le réalisateur au mieux. Et c'est quelqu'un, il avait demandé au réalisateur, la musique avait été enregistrée au mois de janvier, et à Noël, il avait une nouvelle idée de thème. Et il avait dit au réalisateur, il l'avait appelé en lui disant, j'aimerais bien avoir 4 heures de plus d'enregistrement, parce que j'ai un thème, là, il a à voir avec le film, mais je sais pas de quelle manière. Et en fait, ils ont enregistré le thème, qui est le plus beau thème du film. C'est un film qui s'appelle « En mai, fais ce qu'il te paie » de Christian Carillon. Et le thème, c'était encore une fois une histoire d'imaginaire. C'est-à-dire que le film avait parlé avec son imaginaire, et puis à un moment, il avait traduit ça d'une autre manière en musique. Et en fait, le mec fait juste... Moi, je pense qu'on doit tous essayer de faire quand on participe à un film. C'est-à-dire qu'on doit essayer de structurer le truc, d'être au service du récit, mais du récit... c'est compliqué, le récit, par quoi ça passe, mais de la mise en scène, c'est-à-dire de... Et on doit essayer d'apporter notre petite couleur. Mais et la petite couleur, c'est juste cet endroit d'interaction qui va faire que peut-être le spectateur va pouvoir vivre le film. Parce que c'est ça, le seul truc. C'est juste de proposer... C'est pas que raconter une histoire. C'est raconter que les gens, ils aient l'impression qu'ils ont vécu quelque chose quand ils ont été voir le truc. Donc c'est pour ça que la musique, moi c'est juste cette anecdote-là, c'est que j'ai l'impression que, en fait, elle dit beaucoup la musique, elle dit beaucoup de l'image, moi je trouve, la musique. Enfin, on le sait tous, voilà, on parle du clip, c'est que c'est deux choses qui marchent ensemble, la musique et l'image, parce qu'en fait, la part sensorielle, qu'on comprend très bien en musique, elle existe en image, mais on la maîtrise moins. Le budget est si faible à chaque fois. Oh bah... Il est faible en musique, il est faible sur plein de choses, le budget. Il est faible sur les effets spéciaux, par exemple, qui est aussi un enjeu d'image gigantesque, on n'en a pas parlé. Mais on est quand même dans un pays où on investit 1,5% de notre chiffre d'affaires qui est un vrai enjeu de fabrication d'image de main, sur les effets spéciaux, sur la fabrication des effets spéciaux, alors que c'est un enjeu de langage immense. Et encore une fois, c'est un enjeu que comprennent les mômes. Et nous, on n'investit pas dedans. Donc il y a des choses qui... C'est ça. Je pense que c'est un autre débat. On pourrait faire musique et image et image et VFX. Je pense que ça peut une idée pour l'année prochaine éventuellement. En tout cas, merci à vous quatre, à tous les intervenants. Merci à Harry, partenaire de ce débat, et pour ceux qui souhaitent continuer la discussion, une formule déjeuner vous est proposée au Bistrot des cinéastes dans ce cinéma. Et sinon, cet après-midi, plusieurs débats et projections vont avoir lieu. Donc vous êtes les bienvenus. Voilà.